Et voilà, on est bien là, même si on a des petits problèmes. C'est pas nous, hein. Bah, vous non, êtes d'accord. Oui, c'est pas nous. Oui, non, c'est Jolan. C'est des aléas du direct. Oui, voilà. Mmh. C'est ça. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, parce que maintenant, ça va venir. C'est Peck Avenger. On est tous là. On est en équipe complète, en plus. Là, y a 7. 7 à la maison. Non. Non, 7 dans le studio, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et on a deux invités. C'est vous ? Non. Vous êtes sûr ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous vous appelez ? En sachant qu'il y en a un, on l'a déjà vu dans J'ai vu de la lumière. Oui, c'est ça. Bah, du coup, bah... Ça s'appelle Smith. Non. Non, non, bah c'est toujours John. Oui, effectivement, bah, vous m'avez déjà vu pour le J'ai vu de la lumière avec Exactement. Clément. Et tu peux quand même te représenter, tu fais quoi tu... Je suis prof d'anglais en ce moment, mais ça c'est pas grave. La classe internationale. Ça arrive. On aimerait tous avoir un prof d'anglais aussi jeune et aussi talentueux. Oh, arrête. Okay. Aussi beau gosse. Exactement. Qui a dit ça On a des doutes. D'accord. Et nous avons un invité que nous avons jamais vu. Tu es toujours fatigué. Ouais. Fatigué. Parle bien près du micro, oh, t'entends pas. J'ai l'impression qu'il est pas aimé. Ouais. Et là, est-ce que vous entendez tous bien ? C'est un peu trop fort. Ouais, c'est un peu trop fort. C'est fort. C'est fort, mais c'est qu'on n'entendait pas Fatih. Fatih, est-ce qu'on t'entend ? On t'entend pas Fatih, ton micro clignote. Est-ce que là tu m'entends ? Ouais, ouais. Oh oui. Ah, oh. Fatih n'a plus de piles dans son micro. Oh, à peine arrivé, à peine il y a des couilles. Ça t'arrive toujours dans la vie, ça ? Non. Non ? D'ailleurs, tu fais quoi dans la vie ? Je cherche. C'est-à-dire les chercheurs à l'ombre. Beaucoup de choses, le succès, tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça, mais ça va arriver. D'accord. Bah du coup, tu cherches dans quoi ? Vas-y. Dans la vente de jeux vidéo. Dans la vente de jeux vidéo. Ah, Micromania. Ah non. Ah, non. Et je connais un gars à la Fnac que tu connais aussi. Il y a peut-être moyen. Un certain Rémi, on lui fait des gros bisous d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà. Des bisous, comme dirait Clément. Voilà. C'est ça. Bien évidemment, nous n'avons pas que nos invités, nous avons notre équipe au complet, comme d'habitude. Nous avons Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Bien. Bien. Bien, bien. Je vais m'arrêter là. Oui, c'est bien. Je peux pas improviser autre chose, j'y arrive pas. Bon, bah si tu vas bien, tout va bien. Si tu vas bien, je vais bien. D'accord. Ok. On s'arrête là ? On continue alors. Non, ça va. Ça peut continuer longtemps comme ça. On va les laisser, du coup. Ouais, ouais, allez, ça. Salut. Allez, enfin, vous avez le temps, bon. Vous avez deux heures devant vous. C'est parfait. Nous avons Gaylan aussi. Bonsoir. Bonsoir Gaylan. T'as pas été au cinéma récemment ? Si, la semaine dernière avec Thomas. Ouais. On est allé voir La Belle Époque. La Belle Époque, là. Dans ta jeunesse. Je suis toujours jeune. Ouais, c'est vrai. C'est un avantage. Eh, hey, d'ailleurs, vous avez quel âge ? C'est pas les bonnes questions, ça. Pourquoi ? Vous êtes si vieux que ça ? Tu me demanderais combien ? Ah, bah attends, on va faire un petit tour de table. C'est pas... Quel âge a Fatih ? 26. John, j'ai un petit doute, mais 26. Je crois savoir. 26. Allez, 32. 26. Non, Fatih. Fatih, moi je dirais 25. Antoine, tu lui donnes combien ? 25. Ouais, moi je partirais sur 25 aussi. Ouais. 25 ? Ouais. Oh ! Combien ? Galan ? 29. Ah, ah ouais, 32, j'étais pas loin. Bim. On est entre les deux. Et John, je parie qu'il a 26. Tu penses que j'ai 26 ? 28. Ou 24. Allez, non, j'aime bien, vas-y, on continue le jeu. 28. 30. 25. 30. Ouais. 28. 28. Ouais, 30. Ah, non, il est plus. Il est aussi. Ouais, il est ah, ouais. Genre, on a le même âge, ah, dis donc. C'est ça, ouais, il a la barbe. Ça doit être la barbe qui fait ça. Non, mais c'est le fait d'être prof, tu vois, ça donne tout de suite un. Ouais, ça doit être ça. Ça donne un côté vieille. Enfin. Vieillot. j'ai un chat dans la gorge. Non. Nous avons Antoine aussi qui est assez silencieux pour le moment. Bonsoir. Bonsoir Antoine, ça va ? Ça va très tu bien. Tu sais pourquoi tu parles pas ? T'as pas eu de pizza. Ouais. Oh, je vais en chercher une après. À vous, tu veux pleurer ? Ouais. J'ai boudé, je reviens après. Ça, c'est de l'émotion. Non, mais je vais bouder, je reviens après, je vais manger là, je reviens. D'accord. Faut que tu fasses, j'ai vu de la lumière, ça peut aider. Et nous avons évidemment Jolan. Bonsoir. Bonsoir, Jolan. Il t'est pas arrivé de couilles aujourd'hui ? Non. Non, pas cette fois. Pas encore. Non, tout va bien ? Ouais. Sûr ? Un peu enrhumé, mais ça va. Ah, je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose. Ça doit s'entendre un petit peu, je pense. Non, t'es un peu enrhumé, tu parles du B. C'est ça, c'est un peu chiant d'ailleurs. Si tout va bien, tout va bien. C'est grâce à Amélie, ça. Ouais, oui, oui Amélie sûr, de ouais. Actu Solide ouais, qui aurait filé la crève. Elle ou m'a le... fait la bise, c'est elle m'a fait pas grâce, alors, elle m'a fait cause. La bise. Et oh, Amélie, après, je suis malade. Ah, elle l'a fait exprès en même temps. C'est Amélie. Enfin bref. Du coup, Dans cette émission, on va parler de films. Beaucoup de films, vu qu'on a pas mal de cinéphiles là actuellement. Nous avons John qui va nous parler d'un film dont il taira le nom. C'est Suspense. Ça Suspense. Même moi, je sais pas, je sais non, pas au courant. Non, surtout toi. Ça se trouve, il y en a... surtout moi, d'accord. C'est un film de ma biographie. Nous avons Marguerite aussi qui va nous parler d'un film. Nous avons Gaëlle qui va nous parler d'un film. Nous avons... Non, si, bah si. Jolène qui va nous parler... Ce soir, on se met bien, on a regardé beaucoup la télé apparemment. Ouais. On a beaucoup regardé de films, ou beaucoup été au ciné pour certains. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'être à S4 et d'avoir des places gratuites. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elles ne sont pas gratuites. Hein. Juste comment quelques avant-premières, mais pas toutes. Ouais, les avant-premières et puis la cinémathèque, c'est gratuit. Mais sinon, c'est des réductions. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est mieux que de payer 10 balles la place. Quoi. C'est ça. On est plus sur 4 euros. On paye 5 euros. Ouais, c'est 4-5 euros. Il y en a qui sont... privilégié quoi. Oui. Pas mal. Ouais, il y en a qui bossent dans le milieu aussi. Ouais, tout de suite, ouais. Ça y est. Ouais, moi je bosse dans le milieu. Ça pèse. Toi tu es boulanger, tu as accès à ah bah pas au cinéma. Non mais tu as accès à des pâtisseries. Bah non, je suis c'est boulanger. Vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, je peux avoir des réductions ou pas sur les croissants. Je suis boulanger, j'ai accès à du pain mais pas à des pâtisseries. On mélange pas les torchons et serviettes, madame. Oui, bon certes. T'es pas boulanger pâtissier? Si. Et bah voilà. Si, je voulais pas le dire. T'as deux étiquettes maintenant. Ouais, bon, j'ai toutes les étiquettes, je peux même être vendeuse si tu vendeuse. Oui. Mais ça gratte les étiquettes. Tu mettras la. Le tutu rose. La perruque et le tutu rose pour moi. J'ai pas besoin de perruque. Un bigouden à la fin de la soirée. C'est ça. Non, j'en vais pas devenir. Non, on fait pas ça. Non, par contre, Jolene va nous parler d'un film. Oui. Ce sera la semaine prochaine. Ok, fin. Allez, on lance la musique. Non. Vas-y, Jolene. Tu vas nous parler d'un film. Bon, bien sûr, avant ça, on va écouter une musique. On va écouter No Measure de Jaeger. Ouais. Je l'ai mal dit. Hey, non, John. Non, je l'ai bien dit. Non, tu m'oublies là, vas-y. Pour les accents anglais, tu l'oublies. Comment t'aurais dit ce titre? C'est Jaeger, No Matter, non? No Matter. Allez, tiens. Oh, ouais, je vais t'utiliser ce soir. Comme une vieille salope. Non, on va porter tes dons d'anglais, voyons. Logique. Merci. Donc, après No Matter de Jaeger. De Jaegermeister. On écoutera Jolene parler du film World War Z. Ouais. Ah, tu l'as si bien dit. Non. John, ne regarde pas comme ça, c'est John. J'adore ton je lis dans ses yeux. Ah non, c'est mauvais. Je te débrouille. D'accord. Voilà. Donc, vas-y, tu peux l'envoyer. On part en musique. Ah, et on a 15 minutes d'intro. Ouais. Non, si. Non, bah, je sais pas, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Ouais. Voilà, maintenant on a 9. Blabla. On a 8. Ouais, blabla. Meuble, Ikea, meuble. Non, c'est bon, vas-y. De 21h à 23h le jeudi sur Indestar, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Exactement, j'aurais pas dit mieux avec nos deux invités, John et Fatih. Vous avez vu comment je vous annonce? Ouais, c'est la classe. Ouais. C'est la classe à Dallas. Ouais. Démodé cette expression. Mais... C'est la classe à Amboise. Eh, oui. Ouais. Ça fait presque. Ouais. Moi j'aime bien la classe à Amboise. Bon, enfin, si vous nous écoutez, vous nous écoutez, c'est bien. Déjà pour commencer. Mais vous pouvez nous voir sur le Twitch. Ouais. On est en live Twitch. Ouais, faites coucou à Jolene, juste à Jolene. Ouais. Faites coucou à la caméra. Voilà. Et. Bon. Fais l'amour à la caméra. Bah. On reçoit un appel. On reçoit un appel. Ah. Mais qui c'est? Mais qui est-ce? Ah non. Mais ah c'est. Ah bah c'est trop tard, ça a raccroché. Mince. Je crois qu'en fait le compte est relié au compte du producteur de l'émission. Bah, c'est pas grave, on décroche quand même. C'est pas grave, Théo, si tu nous écoutes, on a voulu décrocher ton appel. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, je crois que c'était Amélie qui a appelé. Oui, c'était Amélie de Actu Solid, une de tes sœurs, Antoine. Ah bon? Ouais. Ah moi je crois que j'ai adopté moi. On pourrait croire, mais. Non. Des révélations grandioses dans cette émission. C'est ça. Confession intime. Bon, ben, vous pouvez tellement voir le vrai. Live sur Twitch. Vous pouvez aussi nous voir sur indestar.fr. Vous pouvez aussi nous appeler, d'ailleurs, comme Amélie, au 09 70 407 306. Et si vous n'avez pas le temps de nous regarder maintenant, bah, vous êtes sans doute en train de nous écouter en podcast, alors ça veut dire. Oh, la déduction de malade. Eh, t'as vu, hein? Wow. J'y ai réfléchi qu'après, en fait. C'est je me suis lancé trop tôt dans mon truc. C'est élémentaire. Mais du coup, vous pouvez nous écouter en podcast, évidemment, sur une vingtaine de sites de podcast. Je ne vais pas tous les citer, je ne les connais pas tous de toute façon. Il y en a un très connu. On va dire Spotify déjà, c'est déjà pas mal. Deezer, iTunes. Voilà. Deezer, ouais. iTunes, c'est des... Oui, c'est des plateformes de podcast. Ouais. Ah ouais, bah, voilà. Non mais on s'en fout d'Amélie. Au revoir. Amélie. Au revoir Amélie. Amélie, tu nous fais pas chier pendant l'émission. Arrête de rappeler ici. Amélie, t'es pas là, c'est pas ton émission. Ici, c'est Peck Avenger. Et on parle d'un film. Ouais, de World War Z. Voilà. Je sais pas si. Oh, Brad Pitt, si. tout ça, ouais. Avec les cheveux longs. Très bon, tu vas nous expliquer en quoi ce film est mauvais, c'est ça? Mauvais, c'est pas vrai. Non. Il est pas ce film. Il est bien, mais c'est vrai qu'il y a des côtés qui sont un peu incohérents. Bah, moi ce que je vois, qui est incohérent, c'est que dessus tu as écrit ne pas oublier le Manu. Ah oui, c'est un porte-bête. Ah non. Ah oui. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a d'incohérent dans un film de zombies? Attends. Bah, déjà le mot zombie. Est-ce qu'ils ont les droits le dire? Comment ça? Bah, c'est un nom déposé, zombie. Ah bon? Ouais. Et c'est qui l'a déposé? Je sais plus. Eh ben, t'es mauvais, mauvais gueule. D'où le méchant gueule. Ce serait. Ouais, peut-être. Et ce serait quoi alors la définition? Tu le connais? Mort vivant? Ouais, mort vivant. D'accord. Non, okay, zombie du latin zombitus. Non, je croyais que t'étais anglais, prof d'anglais. Pas prof de latin? Bon. Non. Par contre, anglais, enfin voilà. Saxon. Non, pas latin. Non. Non. Comment on dit... tous les profs de latin. Comment on dit zombie en anglais? Zombie. Oui. Ça... Soit. Ok. T'as d'autres questions? J'ai d'autres réponses. Demande au cranberry. C'est ça. Vas-y, parle-nous de ton film, Jean-Lan. Alors, c'est un film qui est sorti le 3 juillet 2013, donc il commence à être un peu ancien. Il dure 1h56. Comme fatigue. Comment qui va te faire taper à la fin de l'émission. Fatigue dure 1h56. Il tient bien. C'est un film déconseillé au moins de 12 ans. Ouais, bon, ça arrive. C'est pas très étonnant. Non, ça va. Il y a des zombies. Un film déconseillé. Donc les acteurs principaux, Brad Pitt, Mireille Hénoz, Ailaïs Gabel, je sais pas si j'ai bien prononcé. Le genre du film, c'est un science-fiction. Je vois John qui fait des signes. Ah, c'est parce que je le regarde en fait. Tu dis, je sais pas si j'ai bien prononcé, puis je regarde John. Du coup, chaque mot qui va tomber ce soir, il y a Teddy qui va lancer un petit regard en mode. Est-ce qu'il c'est un genre science-fiction, action fantastique, et ouais. Du coup, nationalité américain. Post-apocalyptique, j'ai envie de dire. Post-apocalyptique. Forcément. Ouais. Zombie. Zombie, ouais. Toujours la fin de l'humanité. Un film que moi j'ai plutôt apprécié, qui est très angoissant, je trouve. Ah bon? Pour ma part. Après, il fait pas si peur que ça en fait, il est juste angoissant. D'accord. Ah oui, c'est angoissant dans le sens où ça fait pas peur, ouais, mais genre, c'est un peu stressant. Tu sursautes un peu, mais ça te. Moi j'ai pas eu très très peur en fait. Ah, c'est intéressant, c'est plus du tout le souvenir que j'en avais celui-là du coup. Ah ouais, pour moi c'était pas du tout angoissant, c'était presque drôle en fait. Parce que par rapport au Walking Dead. Oui, c'est vrai que. Enfin, je trouve que. Enfin, comme les zombies vont. C'est possible, je ne l'ai pas vu. Mais ce qui fait flipper dans ce film-là, c'est que les zombies ils tracent sa mère. C'est pas les zombies de Shaun of the Dead ou ce genre de. C'est un peu les zombies de Je suis une légende aussi. Oui, voilà aussi. Ah oui, ouais. Ils sont très agressifs. Hein. Mm. Et du coup, bah, en fait, je vais vous raconter un peu le synopsis du film. Zombie tué. Synopsis. Un jour comme les autres, Jerry et Lane, du coup, Brad Pitt et. Comment on dit Mireille Hénoz, voilà. Leur famille se retrouve coincée dans un embouteillage monstre sur les trajets quotidiens. Ouais. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle, tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos. Voilà, donc ça commence par ça, ils sont dans un embouteillage. Donc ils sont apparus comme ça, les zombies, genre. Ouais, ils sont apparus comme ça. Tiens, il y a un petit embouteillage, non c'est... Oui, d'ailleurs, on a la cause ou pas Bah, au tout début, non, on n'a pas la cause. C'était un attentat. C'est quand le film se déroule. C'était les gilets jaunes. Putain, pourquoi ça bouchonne? Merde. Et je suis encore en retard, putain. Il y a des trucs incohérents. Par exemple, ils ont fait le voyage États-Unis, Corée du Sud. Mm-hmm. Et c'est impossible dans la réalité de le faire. Pourquoi? D'accord, pourquoi? Bah, parce le pourquoi. Vas-y, explique-nous pourquoi. Parce que ça m'intéresse. Parce que peut-être. Tu peux prendre un avion et aller en Amérique. En fait, il y a une distance de plus de 11 km de la Corée et l'autonomie d'un. En fait, c'est l'autonomie de l'avion qui n'aurait jamais pu. Ah, c'est en termes mécaniques. Ouais, c'est ça. En gros, un avion peut pas faire le tour du monde. Un avion militaire, tu sais, c'est un avion qui déploie des parachutistes ou ce genre de trucs. Ouais. N'aurait jamais pu atteindre cette destination parce que. Et s'ils avaient des petits réservoirs de kérosène qui remplissaient l'avion. Je sais pas. Voilà, c'est les critiques qu'ils ont faites sur ce film. Voilà. Sérieux, les gars, ils ont été chercher aussi loin. Ils ont juste critiqué sur ça, sinon il n'y a pas d'autres critiques particulières. Ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Bah, après, tout dépend de quel côté il part. Enfin, j'ai envie de dire s'il part à l'ouest ou à l'est. Enfin... Bah, c'est pas précisé par contre. Ah, je sais pas. Mais dans le film, peut-être qu'on le voit. C'est chercher la petite bête. Ouais. Mais pourquoi pas. C'est les erreurs techniques, hein, c'est précisé. Après, Il y en a d'autres? Non, il n'y a que celle-ci qui a été faite. Et sinon le scénario est pas trop mal, c'est pas trop gnangnan je trouve, parce qu'il y a certains films de zombies genre Walking Dead, c'est une série mais je trouve ça c'est un peu nul, non. Bah, tu l'as pas regardé? Bah, j'ai regardé que la saison 1. Ainsi qu'Antoine d'ailleurs. Moi, t'es pas un fan? Je suis en la saison 9, moi j'ai fini la saison 9. T'es un gros fan de Walking Dead, je crois, non? Ouais. C'est un peu gnangnan? Ah non. Oh. Ah non, mais c'est normal, t'as regardé que les premiers. Peut-être que les débuts. Gnangnan, c'est pas le terme. Par contre, la saison 4 est à éviter à tout prix. Ah ouais? Alors, si vous nous écoutez, 4 et 5. L'épisode, c'est en fait, tu sais, quand. Spoiler, c'est mais dans à la fin de la saison 3, c'est plus spoiler. À la fin de la saison 3, il se passe un truc en fait qui font que tous les personnages se retrouvent divisés. Ah oui. Et ouais, après, ils doivent tous aller au même endroit. Mmh. Et chaque épisode, en fait, c'est le point de vue d'un personnage. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, moi, ça, par contre, j'avais trouvé ça très très long. Ouais, c'est chiant. D'accord. Ça peut être intéressant, mais si t'as beaucoup de personnages, si c'est toujours la même chose, c'est un peu. T'en fais 2-3, puis voilà, les autres. C'est un peu pareil. Soit tu les retrouves. Ils vont se rejoindre au terminus. C'est ça. Okay. Moi, je le. C'est les saisons suivantes. World War Z, dans la catégorie des films de zombies, je le catégoriserais dans les top 3 des films que j'ai vus. Ah ouais? Ouais. Ah mais c'est lequel le premier? Le premier, c'est L'Armée des Morts. Je sais pas si vous l'avez vu. Evil Dead. Mais il est excellent. Oui. Il est drôle. Et puis. Vu que t'as lancé là-dessus, t'as un top de zombies. C'est quoi votre film de zombies préféré? Shaun of the Dead. J'avoue là. Resident Evil. Resident Evil, ouais. Marguerite, puis Evil Dead. Je saurais pas trop donner de vie. Peut-être pas zombie. C'est... Non, je suis plus ghoul. Bah ouais, un peu, mais non, en vrai. Tokyo Ghoul. En vrai, World War Z, moi je trouvais que c'était non, un. Non, j'ai bien aimé World War Z. Parce que justement, enfin, comme tu dis, les zombies sont bien nerveux et puis bah, Brad Pitt quoi. Ouais, c'est un putain d'acteur, il a un putain de charisme ce mec. Enfin, perso, j'aime bien Zombieland et la légende de. Enfin, je suis une légende. Mais je dois avouer que Zombieland. La 3D vieillit un peu mal dans Zombieland, je suis une légende quand même. Ouais, mais j'avoue que son jeu d'acteur est quand même. Le jeu d'acteur est bien, mais quand même, la 3D vieillit. C'est énorme. Zombieland, évidemment. Je vais voir le 2. Tu as survécu à Je suis une légende. Hein? Tu as survécu à Je suis une légende. Comment ça, j'ai survécu? Pourquoi? Mais moi, je pouvais pas. C'était chaud. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Pour la fin? Pourquoi? Après, j'attends le côté psychologique et tout du mec tout seul. Après, ça dépend si tu parles du premier film qui est dans les années 50 qui s'appelle Le Dernier Homme sur Terre. Ah. Ça s'inspire de ça, Je suis une légende. Je dois pas parler de ça, non. Non, non, mais en tout cas, ce film est beaucoup mieux. Tu parles du film de 2008, toi, Teddy. Oui, avec Will Smith. En vrai, des films de zombies qui sont bien, c'est la trilogie du Labyrinthe. Tu as surtout dans le deuxième, c'est La Terre Brûlée. Oui. Tu regardes. Ah oui. Si tu regardes La Terre Brûlée et c'est quoi, c'est le. Ah ouais. Le remède mortel, c'est pas vraiment. Je croyais que c'était un film de labyrinthe. C'est alors le premier en fait ils sont pas dedans, mais le deuxième oui. Vous savez pas, mais Harry Potter c'est un truc de zombie aussi hein. Ah bon. Eh mais je suis sûr que t'avais pas regardé la suite. C'est une blague ou les mangeurs. Non, c'est vrai. Enfin c'est pas vraiment des zombies. Enfin si on peut si. Oui si. Et ils sont même bien flippants d'ailleurs. Je viens de croire. Eh ben j'ai pas regardé le labyrinthe. Eh ben tu regarderas. Un truc à faire. Moi j'avais peur de me perdre. Une bonne trame aussi zombie dans les jeux vidéo, c'est Until Dawn. Je sais pas si vous y avez joué à celui-là. Until Dawn. En fait, c'est tu joues des personnages, donc je crois que dans ceux qui ont prêté leur visage, il y a Rami Malek notamment. Oui. Et tu progresses en fait avec plusieurs personnages. Oui. Tu te retrouves en fait dans une cabane hantée, enfin pas hantée, mais il se passe des trucs. Flippante. T'arrives pas à comprendre. Et c'est l'anniversaire de la mort d'une des potes. Alors du coup, ils se sont dit tiens, on va tous faire soirée. Et tout à fait normal. Se retrouve du coup dans le trou du cul du monde sur la montagne. Et ensuite, bah, du coup, il se passe plein de trucs où toi, en tant que joueur, tu joues. Ah, mais j'ai joué. C'est pas tiré d'un film, ça, non? Ah, mais oui, j'ai joué. Si, c'est Descente. Je crois, oui. Si, c'est ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est pas mal comme truc. T'as dit qu'il s'appelait comment? The Descent, le film. The Descent. Ah, je connais. Il y a le 1 et le 2. Et c'est pas un jeu d'ailleurs où, en fonction de ce que tu fais, ça a des répercussions sur la suite. C'est exactement, t'as l'effet papillon. Je voulais en parler la dernière fois, j'avais plus. C'est stylé comme jeu, t'as des totems à récupérer et tout. Oui, c'est exactement ça. Là, je l'ai vu, il a pas mal cartonné. Marguerite, si tu peux nous parler du jeu la prochaine fois que tu veux. Alors, ça fait longtemps que j'y ai joué et c'est franchement un jeu, je trouve, à jouer plus avec des potes. Oui, de temps en temps, échanger. Parce qu'en fait, comme t'as plusieurs persos. Nous, ce qu'on faisait en général, c'est que on se disait bon, moi je suis tel perso et tout, et à force, en fait, c'est jamais les mêmes joueurs qui jouent, donc t'as plein d'histoires différentes, et puis c'est cool parce qu'en fait, tu peux faire des choix, et en fonction de tes choix, ça, y a pas la même histoire à la fin, t'as des meurtres, cool ces jeux-là, genre. C'est super intéressant. Puis toi, quand tu t'es planté une première fois, tu peux dire il va se planter. En fait, quand lui réussit, du coup, tu vois une autre facette de l'histoire. Ouais, par exemple, toi, t'aurais pu buter ton personnage, et lui continue avec. C'est trop bien ça. Toi qui aimes bien les jeux de psychologie. Bah oui, et puis de, les jeux de choix comme ça, ou que les choix ont des répercussions sur tout ton jeu au final. C'est d'ailleurs, dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, il y aura... C'est un jeu où qu'en gros, t'as une histoire où que t'as plusieurs personnages, et leurs histoires sont entremêlées, évidemment, tu les joues en même temps. Et ouais, ils ont des histoires abracadabrantesques, et... Bah voilà, ça peut modifier ta fin, effectivement. D'accord. Voilà. Okay. Mais je vous en dis pas plus, je vous dis juste comment il s'appelle à la rigueur. Vas-y. Divinity Original Sin 2. Alors j'y ai pas joué, mais je connais. Je connais pas du tout. Franchement, je te conseille. Mais bon, on va pas en parler tout de suite. Vas-y, vas-y. Là, on va écouter quoi, là ? Là, on va écouter Jolene. Hein ? Jolene ? Jolene. C'est une C'est une reprise, ouais, mais Jolene. C'est une cover. Non, c'est une cover. C'est une cover. C'est une cover. Annie Lude, Jolene. Faut pas dire, après Teddy va me poser des questions toutes les 5 minutes. C'est ça, je te regarde. On va écouter Jolene de Annie Lude. Comme les gâteaux. Ou Anilou, c'est comme on veut. Comme les gâteaux, comment ça, comme les gâteaux. Les gâteaux lus. Les petits lus. Oh non, je m'attendais à un truc cool. C'est clair. Chaque jeudi, jusqu'à 23h, PK Avenger sur Indestar. Exactement, avec Teddy, Jolan, Antoine, Marguerite, Gaylan et même Fatih et John. Une ovation. Ouais, on est ouf. Hein. John, qu'on a plus l'habitude de voir dans J'ai vu de la lumière. Exactement. Exactement. Ouais. Et on t'a vu aussi en joueur l'année dernière dans Get Stars. Oui. Effectivement, oh, c'est vrai, ça. T'avais gagné, je crois, contre Clément. Non, j'ai perdu. Non. Merci de me rappeler. Ah, bah, ouais. Je l'ai fait exprès. D'une grosse défaite, tu me fais rappeler des mauvais souvenirs. Bon, tu t'es bien battu quand même. Ça s'est joué un peu, je crois. Ça s'est joué au Twister quand c'était toi qui faisais les règles. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, ouais. Pour la petite histoire, en fait, on connaissait pas les règles du Twister. Personne connaissait les règles du Twister. Et du coup, ben, ça mettait les mains, les pieds. C'est tout. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, la tête, les genoux, pourquoi pas. Et c'est au moment en fait où tu t'es dit, plus. Tiens, je vais mettre la tête, qu'on se rend compte que t'as tout le sang qui remonte. Et là aussi, bah non, on a perdu en fait. Non, c'est fini. Voilà. Donc, comme on savait pas quel était l'enjeu au final, parce que, alors, je crois, en gros, fallait juste réussir à mettre vos mains et vos pieds. Bah, ça doit être ça, ouais. Donc, en théorie, vous auriez pu gagner. Oui, je sais. Ça m'a coûté 3 points cette affaire, et donc, du coup, bah voilà. T'avais tout misé sur le Twister. Eh oui. Faut jamais, surtout quand c'était lui. Que veux-tu? Là, on va miser. On va pas miser là. Non, on n'est pas dans un jeu. On pourra faire des blind tests. Ça nous arrivera dans PK Avenger de faire des blind tests. Moi, j'en préparerai sans doute un manga. On en a fait un avec des openings. C'était cool. J'aime pas les mangas, moi. Hop là, qu'est-ce que tu veux? C'est qui le patron? Faut le reconvertir. Je m'en fous, j'aime pas les mangas. Faut le reconvertir. T'aimes pas les mangas? Alors, dis-moi que t'aimes pas One Punch Man. Ah, voilà, t'aimes pas Baki? J'ai pas encore regardé. Je connais pas Baki. Baki, c'est quoi Baki? Tu connais pas Baki? C'est un manga de combat. Ah, ouais. Ce que j'aime pas les mangas, c'est les musiques. Mais vachement violent. Quoi? T'aimes pas les musiques? Mais les openings alors. Oh, ils sont chiants. Mais ouais, on va se faire un petit blind test opening. Ça vous tenterait, vous? Ah, moi je tue, moi. Ah, bah évidemment. Moi je tue seulement. Ah, voilà, c'est parfait. Pour Manga sur Loire, oui, l'événement, on l'a couvert, c'était quoi? Samedi dernier. Bah, il y avait une émission spéciale, d'ailleurs. Une émission spéciale. Que j'ai écouté, car j'ai fait mes devoirs avant de venir. Oh, c'est bien. Ça donnait quoi? Bah, ça donnait bien, je jouais à WoW en même temps, donc ça passait très bien. Oh mon dieu, mais il est parfait, cet homme. Un compliment, d'accord. C'est cool. Oui. Et tu nous as trouvé bon? Ça va. C'est bien. Pour ne pas dire non. D'accord. Du coup, t'as vu le quiz de manga? Ah oui, j'ai tout vu. Bah non, j'ai manqué une demi-heure d'émission à regarder, je crois. Enfin, à écouter, du coup. À peu près, ouais. D'accord. Et du coup, il n'y avait pas le quiz de... Si, j'ai eu le quiz. Je me rappelle qu'il y avait une jeune fille qui criait fort à un moment. Oui. Ouais. Je crois que c'était Black Butler, un truc comme ça. Ah oui. Oui. Ouais. La question, c'était qui dit cette célèbre phrase? Yes, my lord. Exact. Et c'était Ciel, ouais. C'est pas Ciel. Oui, mais elle disait. Bordel de merde! Non, mais elle a pas dit. Non, pardon. Et elle était déguisée dedans, alors elle avait tendance à crier parce qu'elle était. Oui, ouais, parce que c'est un de ses déguisements favoris. Toi, tu n'as pas écouté le podcast. Tu n'as pas fait tes devoirs. J'ai pas fait mes devoirs. Oui, mais elle était présente. Je suis fatiguée, ça va, hein. C'est bon, hein. Oh. Là, on va parler d'un jeu. Allez. Un jeu mobile. C'est parti. Ah. Et toujours autour des zombies, je crois. Ouais. Hey, on change pas de sujet. On regarde les zombies. Transition magnifique. C'est bizarre dit comme ça. Mais bon, c'est toi Antoine qui va t'y coller. Ouais. Si je te coupe pas ton micro avant. Non, je coupe le tien. Je suis curieuse Antoine, il y a un bouton. On touche pas au micro du chef. Je suis curieuse, il y a un petit bonhomme dessiné sur ta feuille. Est-ce que ça a un lien avec le jeu? C'est un zombie avec une quéquette, s'il vous plaît. Pas du tout, il était juste en train de se faire chier. Non, il y a marqué, agre, je suis un zombie. Agre. C'est, c'est ce que pourrait dire mon fils, agre. Je l'ai pas trouvé. Pourrait dire bébé. Bien sûr, je pourrais dessiner comme ça. Pourrait dire bébé. Bébé ? Bébé. Comment ça, bébé ? Ouais, tu l'appelles comme ça, non ? Oui, c'est vrai, j'ai tendance à appeler mon fils bébé. C'est vrai. C'est parce que c'est un bébé aussi. On leur dit qu'il a 18 ans maintenant, ton fils ? Oui. Je pourrais être son père. D'ailleurs, ça me perturbait. D'ailleurs, je t'avais demandé comment il s'appelait. Parce que tu l'appelais tout le temps bébé. Du coup, je savais jamais. Oui, jamais ça. Ah, un poids pour Galen. Owen. Comment s'appelle-t-il ? Oh, bah, putain, il vient de dire neuf. Owen. Owen. Owen. Ah, oui. Oh, c'est joli. Owen Félix. Il va tout péter. Miaou. On n'est pas à parler de mon fils ou de mes parties génitales. Bon, aucun rapport. Non. Antoine, parle-nous zombies. C'est moi, je peux commencer ? Ouais, ouais, vas-y, belle transition, effectivement. Alors, les couilles de Teddy, à toi. Donc, ça s'appelle The Walking Zombie 2. Ah, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Ça, c'est bon, j'arrête. Moi, je les appellerai comme ça maintenant. Alors, The Walking Zombie 2. Ouais, je pense qu'ils ont fait référence à Walking Dead, à mon avis. Ah. Ouais, mais ils avaient pas le droit de l'appeler The Walking Dead, du coup, ils ont appelé The Walking Dead. Ils l'ont déjà pris. C'est pas faux. Droit d'auteur. Donc, c'est développé par Alda Games. Altagame, ouais, connais pas. Donc ils ont fait le 1. Ouais, j'ai... Putain, ça serait vraiment con qu'ils aient pas fait le 1. Mais ça peut arriver, mais bon. Donc c'est plateforme Android, Microsoft et Windows. Ah, ouais. C'est un jeu gratuit. Surtout, ouais. Ok. Donc la date de sortie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais parler de la date de sortie, non ? Bon. Ah bah si tu veux, oui. Donc sorti le 27 juin 2019, donc assez récent. Ouais, ouais, ouais, effectivement, ouais, je suis en train de chercher. Ouais, mais non, je cherche en quel mois on est, enfin. Oh, déjà, non. Pour commencer. On est en octobre. En octobre, ok. Oh, non. Ah, je croyais qu'on était en juillet, non. Non, on est en novembre. Oui. Mais il fallait du temps pour le savoir, c'est tout. 14 jours. Je comprends vite, faut juste m'expliquer longtemps. Ouais. Continue en tout. Je peux en dire des conneries si tu veux. Vas-y, s'il te plaît. Donc, on incarne un personnage, déjà, à naissance. Notre mère s'est fait morte par un zombie. T'as pas de mère. Elle est morte. Tire à balle réelle direct. Ah, c'est ça. Ouais, c'est clair. Donc, déjà, à la couche. Dans le jeu, t'as pas de mère. Donc, déjà, à la couche, déjà, t'es pas zombie. Ah, ouais, d'accord. Donc, elle t'est enceinte quand elle s'est fait morte. Ouais, donc elle s'est fait zombifier. Au moment de l'accouchement. Ah, ouais. Et elle meurt dès qu'elle a accouché, en fait. Ouais, bon, c'est cool. Bah, pourquoi t'en parles ? Attends, ça c'est le 1 ça ou c'est le 2 ? C'est le 2. Ah ouais, putain, mais tu viens de naître dans le 2 ? Ouais, c'est ça que je comprends pas. Bah ouais, dans le 1, c'est parce que. Ah, c'est peut-être avec un autre personnage. Non, mais le 1, je l'ai pas fait encore. J'avais fait que le 2. Ah bah, chais. J'ai pas joué encore. Ok, bon, dans le 2, tu nais, voilà, ta mère, elle est morte. Donc toi, mais du coup, est-ce que t'as des gènes de zombies ? Allez, vas-y, ça m'intéresse. Je sais pas encore. Non, si je. Parce que j'ai pas encore fini le jeu. Ouais. Mais je sais qu'au bout d'un moment de l'histoire, bon, c'est mort par des zombies. Ouais, on devient pas nous. Nous, on est immunisé contre les morsures. Juste parce que ta mère s'est fait mort. Oh, alors, Antoine, qu'est-ce qui se passe après la page de chargement, s'il te plaît ? Parce qu'en fait, si tu vois, en fait, notre mère, elle est sortie de elle est morte. Le laboratoire. Mais elle est morte. Oui, mais en fait, tu es. Pas survie. on nous sauve dans un laboratoire, en fait. Notre mère était dans un laboratoire. De recherche. La mère était dans un laboratoire, oui. Elle est tombée enceinte, elle s'est fait morte par un zombie, elle est morte en accouchant. Tout ça en une journée. Tu as des super pouvoirs et tu peux pas être zombie, c'est ça ? C'est ça. Oh. Putain. C'est cool. Eh bien. On dirait le scénario d'un film. En vrai, ouais. Mais bon. Quelque part. Ça pourrait être ça. Ou alors le début d'un GDR. Oui, plutôt. C'est vrai, ça peut être pas mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, bah, nous, on est. Bah, déjà, on incarne le personnage 20 ans plus tard. Ah, oh, bah, d'accord. Ah, bah, grosse ellipse. Hein. Ah, donc, déjà. Ouais, enfin, qui est-ce qui s'occupe de toi du coup ? Ah ouais, on sait pas. Des zombies. C'est juste que, okay, c'est des zombies. C'est juste que c'est un shérif qui nous a récupéré. Bah voilà, donc c'est sûr. Bah, c'est un shérif. On va dire un shérif. Après, moi j'avais pas fini le jeu donc je sais pas encore. Ah, c'est d'accord. Américain. C'est clair. Continue, tu pourrais adopter les gosses. Donc bah voilà, donc notre personnage 20 ans plus tard. Ouais. Et qu'est-ce qu'il veut faire lui ? Bah lui, il va essayer de rechercher sa mère. Il va écumer des villes. Pardon. Tu sais, pour essayer de retrouver le laboratoire qui est né. Enfin, qui ouais. Est. Donc sa mère. Ah, il cherche quand même le lieu où qu'il est né. Ouais. Où qu'il est né. Donc où qu'il est né. Bah quoi, c'est pas français ? Ah non, c'est pas français, non. Comment on dit alors ? Où il est né, simplement. Oui, il est né. Ah ouais, ça marche aussi. Hein. Bon, on a compris. T'as pas besoin de rajouter des queues partout. Bah, des pas. Chevals. Vous avez pas entendu des chevaux ? Non, moi j'ai entendu des queues partout. Des déjà. Cadeaux, Je peux faire saigner des oreilles, moi. C'est un très beau c'est mon super pouvoir. Il est que 21h, hein, il y a des enfants qui écoutent encore. Ah mince, ouais, allez vous coucher. Allez vous coucher, c'est ça. Trop cul, bite poil. Allez, c'est parti. Tous les enfants sont couchés, là, c'est bon. Quel poil de cul. D'accord, donc ils recherchent le labyrinthe. Le laboratoire. Ça, c'est de ta faute, Margaret. Je suis contente, écoute, je suis contente. D'accord, ok. Ça se passe que tu seras obligé de le regarder comme ça. Ah merde. En vrai, tu vas devoir le revoir. Donc, ouais, donc il recherche le laboratoire. Et comment ça, il va faire en fait les... Comment ça se joue en fait on est dans une première ville. Ouais. Donc, c'est le tutoriel quoi. Ouais. Donc toi, tu as fait comme pas mal de missions. Ouais. Après, t'as une deuxième ville. Toujours donc, ouais. Donc là, t'es un peu plus indépendant. Peut-être. J'essaie de répondre, mais. Vas-y. Et après, t'inquiète. Les autres villes, je sais pas encore parce que j'ai pas encore fini le jeu. Donc je suis à la deuxième ville pour l'instant. Donc, je sais qu'à la deuxième ville, t'es un peu plus indépendant. Comment tu joues en fait enfin, qu'est-ce que tu dois faire T'es un personnage et tu dois courir. Ouais, bah c'est un et peu. Et trouver des pattes de baseball et tabasser du zombie. C'est ça. Ou des armes. Ah bah voilà. Ah bon concept. C'est ça, bah oui, voilà. T'as des armes, t'as des armures aussi, tu sais, t'as des vêtements pour armure. Chevalier non, je... Oui. D'accord. Et après, t'as des soins, t'as plein de trucs. Bah oui, du classique zombie, genre ouais. Une petite herbe médicinale. T'as les compétences, t'as les. Ce qui est bien, c'est que t'as plein de petites quêtes annexes. À côté. Ah oui. Ouais. Genre tu vas demander à un villageois du coin, tiens est-ce que t'as du boulot pour moi, il t'envoie là-bas et puis du coup tu gagnes des points de l'argent. Ah bah tout, c'est des patates dans le champ de zombies. D'ailleurs il y a un truc qui m'a fait marrer dans ce jeu, c'est que la deuxième ville, le maire, c'est Trump. Le mec qui ressemble à Trump. Ah il ressemble à Trump. Ils ont le droit de faire un placement comme ça. Je sais pas. Mais je te montrerai, tu vois que le maire on dirait Trump. D'accord. Donc ça s'appelle The Walking Zombie, je le répète, et dedans il y a Trump. C'est ça. C'est génial ce. Ils ont pas trouvé même meilleur dans concept. Maman, j'ai encore raté l'avion. Il y a Trump. Ah oui, oui, c'est vrai. Il apparaît 3 secondes. Ouais. 3 secondes où il est cool. C'est vrai ? Oui. Ah, dans le grand hall d'hôtel. Ouais, crois. C'est ça. Il donne le chemin à Kevin. Mais il était pas président à l'époque. Non, mais non, il était quand même connu. C'était quand même Donald Trump. Hein. Ouais, tu sais. Tu sais qu'il y a masse de films comme ça où quand tu regardes. Enfin, maintenant ça a vieilli. Mais même dans Die Hard, le 3, t'as un passage comme ça où. De mémoire, il me semble que c'est la secrétaire qui s'occupe de la hotline de chez les flics. Oui. Ouais. Qui commence à faire. Je comprends pas, il y a tout le monde qui appelle, machin et tout ça. Et du coup, l'autre il lui dit bah si, maintenant, en fait, comme tous les policiers ont enlevé leur talkie-walkie, du coup, bah ils passent tous par chez nous. Et l'autre elle répond ouais, c'est ça, et moi je vais épouser Donald Trump. Mais la nana est noire. Du coup, moi je trouve que ça a très très mal vieilli maintenant. Oula. Mais. Non, mais il est génial ce film. C'est, ouais. Non, j'aime ah beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Surtout on est d'accord, il ferait jamais ça en vrai. Mais voilà. Enfin, on fait des bisous à Donald Trump qui nous écoute évidemment. Si, il nous comprend déjà. Ouais. Bon, t'inquiète pas, il y a le CIA qui est sur le coup. Mais bon, j'ai deux points de négatifs sur ce jeu. Ah, vas-y, dis-nous tout. Ah, c'est que le premier pour moi, c'est. On peut pas jouer en multijoueur. Bah c'est un point positif ça. Bah je préfère jouer en t'aimes pas les gens non. Hein t'aimes pas les gens non. Ouais ça dépend mais dans les jeux j'aime bien jouer en solo quand même. J'aime bien antisocial. Je sais pas Skyrim ou genre de truc tu vois j'aime bien bah, c'est le jeu classique mais c'est cool. Mec il arrive qu'est-ce que tu me veux avec ta quête là toi sans déconner. Laisse moi tranquille. Moi je bute tous les villageois. Rien à foutre. Ça on a cru comprendre. Moi c'est un GTA Skyrim. C'est du un coup de fous Roda dans la gueule. Genre t'as des moutons qui te font chier un coup de Roda attaque. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il y a trop de pubs. Ah, si tu payes, t'as plus de pubs, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est 5 euros pour. Ça va, c'est pas excessif non plus. Ça va, mais est-ce que t'as des micro-transactions ou pas ? Est-ce que tu peux acheter des gemmes ? Ouais, c'est souvent ça, des en fait. Gemmes dans ouais, les c'est jeux. Ça, c'est ça la question. Je sais que tu peux avoir. Ouais, tu peux acheter des. Ce que... Des gemmes. Ouais, voilà. Ça. Tu peux acheter des accessoires, j'ai dit, une tronçonneuse. Ouais, tu peux acheter des voitures aussi et tout. Oh, tu peux avoir un char. Un chat. Bah, pourquoi pas un chat. Je sais que Nicolas il a un chien sur le jeu. Un chien ah. Ouais, parce qu'après tu peux débloquer des compétences. Ça c'est stylé. Lui il a des compétences pour parler aux animaux. Non mais il a fait what the fuck. C'est pas l'homme qui parlait aux zombies mais l'homme mais qui parlait ouais, aux chiens. Si tu parles aux animaux, tu parles peut-être aux zombies du coup. Je sais pas. C'est pas des animaux. C'est juste que il y a même presque des animaux. Enfin, tu peux gagner des points de développement. Les humains sont des animaux. C'est une très bonne question. Il y a même une compétence où c'est la compétence c'est marqué cette compétence ne sert à rien, ne la prenez pas. Ils sont pas fait chier. T'as des points de compétences vides. Les développeurs ils se sont dit tiens on va mettre ça là, on va voir si ça marche. Non mais surtout le prends pas, ça sert à rien. Et je te parie qu'il y a des joueurs qui l'ont pris pour dire ah ouais non. Et la fonction parler aux animaux ça sert à quoi du coup? C'est à ton chien et tu lui dis va parler aux zombies, va voir ailleurs. Je sais pas, faut demander des dessins Nicolas. Et tu vas me chercher des cibles chez du ketchup s'il te plaît. va me chercher une bière. Oh non, ça il fait déjà. Allez voir des vidéos sur YouTube. Il y a des chiens qui vont chercher des bières, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça que ça stresse un chien. Oui, j'ai vu ça en plus. Je plaisante. Évidemment. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah bah d'accord, bah ah, vas-y, okay. Casse-toi. Non, mais moi je voulais parler aussi d'un film de zombies qui a été un. Ce soir là? Non, juste là, l'évoquer, c'est un film qui est pas passé. Qui a pas fait tant parler de lui. Ouais. C'est Cargo, sur Netflix, avec Martin Freeman. Oui. Martin Freeman? Ouais. C'est la femme de Morgan Freeman? Non, Martin Freeman, c'est le Hobbit. Mais mon gars, mais sort. ou alors c'est Watson dans Sherlock Holmes. Dans la ah, série. Ah oui, d'accord. Tu vois qui c'est quand même? Ah bah c'est lui. C'est le Hobbit, c'est Bilbon. Ah, sérieux? Oui. Oui, je savais pas. Dans la trilogie Le Hobbit. Et c'est celui qui fait la scène de nu dans Love Actually. Exactement, oh, merci. Oh, c'est vrai en plus, oh, oui, c'est vrai. Une scène de nu ou ça? Une scène de porn. Ouais, mais j'espère qu'on parlera de Love Actually à Noël d'ailleurs. Ah oh, ouais, s'il vous plaît, si quelqu'un. Pourquoi Noël? Moi je veux bien. Bah, parce que Love Actually, parce que ça se passe à Noël. Si t'as pas ton c'est le film de Noël. Ça sert à rien. Déjà en plus, t'as Alan Rickman dedans. C'est ça qu'il faudrait faire à Noël, ramener des pots d'agendas. Oh, très bonne idée. Bill Nighy. Ou alors des Ben et Jerry's. Tu trouves ça où? J'adore ces glaces là, ouais. Ouais, c'est ça. À Noël, on va ramener des Ben et Jerry's et on va parler du film Love Actually, ça va. Oh putain, j'ai fait une connerie, c'est parti sur Love Actually d'un côté. Ouais, non, alors moi, Agendas, franchement. En manga, tu sais de quoi je vais parler pour la spéciale Noël? Vas-y. Bah, je vais pas te dire. Oh, mais allez, alors, allez petit teaser. Je vais parler de Food Wars. Ah, donc yes. Ça va parler d'orgasme culinaire. Ah, oh, oui. Ça faut jamais regarder, ça donne faim direct. Ah, oh, c'est affreux. Surtout quand t'es un petit étudiant, j'aurais que tu manges tes pâtes. Non, mais c'est pire que tout. Mais c'est pour ça, ça a été fait pour les petits étudiants. Ah, non, mais véridique, je venais de taper un gros domac. J'ai regardé un épisode, j'avais la dalle, quoi. Ça veut rien dire. Non, mais McDo ah ouais, aussi, t'as faim une heure après. Ouais, mais t'as une formation culinaire ou pas? Ah non, comme ça. Moi je sais. Parce que moi, moi qui ai une formation culinaire, je suis boulanger, pâtissier et cuisinier aussi. J'ai hâte de voir en fait si dans le manga ils disent des trucs comment cohérents ou pas cohérents. Non, c'est pas c'est juste que ça fait partie de mon métier. Bah, genre, je sais pas si en gros c'est des trucs totalement inventés. Mais tu l'as vu ou pas? Bah, non, justement, je vais le regarder. Bah, tu nous diras. Tu justement, nous diras. J'ai hâte de voir ça. Alors, c'est très scénarisé. Hein. Très. C'est des images très orgasme, ah ouais. Tu verras, il y a des passages comme ça où ils font des trajets de 11 km pour rejoindre les USA à Corée du Sud pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Non, c'est vraiment particulier. Genre, il y a des fois, comme je suis dans un petit studio et qu'il y a d'autres studios à côté, genre quand j'écoute ça, genre je baisse le son. Parce que je voudrais pas que mes voisins croient que je regarde du porno en fait. Ah, tu verras. Tu verras. Ah, je te jure. C'est génial. Tu verras bien. D'accord, bah ça. On parle pas d'orgasme culinaire pour rien, vraiment. Ok. Tu je vais voir ça. Mais le premier épisode, t'es dans le jeu. Je peux vous faire la même chose, j'en suis sûr. J'ai regardé, mais c'est en meilleur. Ok. Vous verrez quand je ramènerai des pâtisseries. Yeah. Voir si vous avez un orgasme culinaire. Mmh, oh oui, on va faire de l'ASMR, tiens. J'ai besoin de changer de pantalon. C'est parti en partout. Voilà. C'est ça. Ouais. Avec Avengers, c'est un peu tout. Hein. Il y a de tout dans ce monde. Tu ramènes des glands. Quoi? Oui, les glands. Joke, oh oui, private joke. Non, oui. Si, la pâtisserie, le gland. Oui. Ah mais oui, évidemment. C'est un petit choix à la crème de quiche. Parce qu'en plus, vous nous prenez pour des cons. Ah bah bravo. Non, on te prend des glands, justement. Mais non, mais je parle pour ceux qui savent pas ce que c'est. Oui, c'est très bon, les glands. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Bah si, quand même. Ok, dis-moi ce que c'est une chouette. Ah non, ça a une chouette, je sais pas, mais un gland, je connais, non. Oui. C'est la copie en gâteau, j'ai précisé. Attendez, Fenty, vas-y, dis-moi. Tu me dis c'est quoi une chouette? Ouais. Une chouette, c'est une... Un volatile. Un animal qui vaut de... C'est qui a dit un volatile? Ah, c'est pas moi, c'est pas c'est moi. Pas une volaille, une chouette. Non, je sais pas, c'est quoi? Alors, c'est une viennoiserie, où ouais. En gros, c'est un carré de feuilletage, où que dedans, tu mets de la crème pâtissière, tu refermes, ça te fait... et tu mets deux abricots. Et c'est là que ça fait les yeux de la chouette. Ah, c'est trop bien ça. C'est une vieille pâtisserie traditionnelle à l'abricot. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je connais un truc avant qu'on appelait tête de nègre, mais ça a changé de nom. Oui, ouais. Ça a changé. Oui. Je connais même pas le nom encore. Officiel. Bah, qui a changé. Ah, c'est-à-dire que tu fais des têtes de nègre comme ça? Non, je fais pas de tête de nègre. Parce que pas bien, pas bien. Ouais, voilà. C'est pas cool. C'est, avec. Ça paraît normal en même temps, hein. C'est assez comme ça. Mais je connais pas le nom autre. D'ailleurs, je vais te poser une question. Est-ce que tu fais des pains en chocolat ou des chocolatines? Ah, ne lance pas franchement. Attendez, on en a jusqu'à minuit là. D'après toi, qu'est-ce que je fais? Non, je sais très bien que tu fais des pains au chocolat, mais je veux savoir. Les chocolatines, ça existe pas vraiment, c'est juste un terme inventé. je suis allé dans une boulangerie à Tours, en plus à côté des Halles, il y avait marqué chocolatine. Il y a plein de boulangeries à Tours qui utilisent chocolatine. Ça m'étonne, on n'est pas à Bordeaux. Exactement, parce que ça fait mode très parisienne. Parce est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles parce que ça se mange? Je suis d'accord, tant que ça se mange, c'est bien. Je suis d'accord, mais on les met pas au même prix. La chocolatine est plus chère que pas. Battons-nous-en les couilles à partir du moment où on les mange. Effectivement. Voilà. Bonjour des croissants, en pire. Ça faisait une transition. Non, transition, c'est si tu m'avais parlé de la musique. En plus, elle est en anglais, tu vois. C'est. Musique sound beat. Bitter with John, tu John, veux pas nous présenter John? John, s'il te plaît. Musique sound bitter with new. Il est marqué où? Il est marqué où? Il est marqué en dessous, tout. En 6ème. Avec un bel accent. En 6ème, après. Vas-y, vas-y. C'est Mozan en beau. Ouais. Music sounds better with you. Remix. C'est un remix, c'est effectivement. Oui, de Mozan en beau. Nous avons un léger bug, apparemment. Attends. La pop culture d'humeur avec les PK Avengers. PK Avengers! Ils sont vraiment très beaux. Ça, c'était un bout du générique. Vous avez entendu un petit problème, un petit blanc. Je sais pas ce que c'est. C'est de la faute à Antoine. Émission. Oui, allez, c'est ton tour. Allez, on est c'est ton tour. Marguerite, t'es chaude? Oh, non. Elle est brûlante. Hein. Oh, mon Dieu. Ah, magnifique. J'aime toujours. Tu es chaude pour parler de ton film, évidemment. Mais évidemment, je suis toujours. Je n'ai jamais sous-entendu. Non, c'est pas ton genre. Oh bah moi t'as pas souvent quoi. Voilà. Jamais. Bah écoute, oui, ma foi, je vais vous parler du Joker. Et donc, comme on m'a posé la question, non, je vais pas spoiler. Ah, merci. Je vais essayer de ne pas spoiler. Mais l'envie est présente. Hein, mais à la fin, il meurt. Ah, mais l'envie est tellement présente. Mais genre, faudrait qu'on ait un bruit genre alerte spoiler. Attends, est-ce que ça te va ça? Très très bien. Ah. Si t'y arrives, vas-y. Attends. Le scratch. Ouais. Et je dirais, alerte spoiler. Ouais, mais j'ai pas si mieux. J'emprunte le scratch de J'ai vu de la lumière. J'ai pas de bruit alerte spoiler, c'est long. Ah bah bien. C'est un spoiler. C'est comme un enfant, tu sais, il va l'utiliser tout le temps maintenant. Petit bouton. Non. Vas-y, on s'écoute. Ok, donc, Le Joker est un film assez récent qui vient finalement de sortir. Donc c'est un film de cette année. Todd Phillips. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Je disais, fais gaffe à ton cul à Jolan parce que il m'a changé ma petite palette, donc si j'appuie sur le bouton, ça fait autre chose. petit con. C'est con. J'ai pas fait exprès. Attention, je coupe ton micro. Bon, arrêtez de vous tripoter la nouille, on essaie d'écouter Marguerite. Allez. Marguerite, parle-nous de tes fleurs. Non, pardon. Ouais, donc c'est un film de Todd Phillips, donc en tant que réal qui a fait aussi War Dogs, Very Bad Trip aussi. Ah. Et un film comme Starsky et Hutch. Putain. Pas super. Yes. Ah. Oh, ça va. Ah, c'est Kellen aujourd'hui. C'est du film. Ah oui, il taille à vif. En tant que prod, il a fait aussi A Star Is Born. Mais je connais ça, c'est pas le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Ouais. Il est bien celui-là. C'est le quatrième remake si tu veux. Comment ça? Quelqu'un l'a vu celui-là? J'ai entendu les. Oui, je l'ai vu. Oui, moi je l'ai vu. Il est bien? Ouais, il est super, mais bon, c'est la quatrième fois. J'aime bien la musique à la rigueur, mais. Comment ça? J'ai pas vu le film. Bah parce qu'il y en a eu un en 22, après dans les années 40, en 60. Je crois qu'il y en a eu 4. Ah ouais, il y en a eu 3 avant. Ah je savais pas. Genre avec Barbra Streisand par exemple. D'accord. Voilà, c'est toujours le Star Is Born. Bah, ok. C'est pour ça qu'il a les 4. quand ça fait 4 fois qu'il vont en remake. Je te remercie, ça va pour moi. Ah oui, c'est vrai. C'est le sur-remake, c'est le méga-remake. C'est le remake-ception. Vous avez peut-être pas le même domaine de culture cinématographique? Oui, je pense. Pour ça. Je pense aussi. Regarde, t'as les cheveux bleus. Donc, je regarde forcément des choses étranges. Oui. On se complète. C'est pour ça, on se complète. C'est ça. Ça a été aussi produit par la boîte de prod de Scorsese. Bon, malheureusement, Scorsese n'a pas participé lui-même, mais au moins sa boîte a participé. Je le connais pas, Scorsese. Qu'est-ce que c'est qu'un Scorsese? Quoi? Tu connais pas Martin Scorsese? Quoi, Martin Scorsese? Le Loup de Wall Street, Les Affranchis, Attends, Casino. Ah, t'es sérieux? Ah non, oui, Shutter Island, tout ça. Comme ouais. Simone Veil, non Scorpion, c'est pas quand même. Et culture générale, là, quand genre même. Taxi Driver, tout ça. Non, mais sans déconner. Non, les Affranchis, tout ce qui a. La dernière tentation du Christ. Je connais pas. Alors, je suis pas sûr que ce soit. Tout à l'heure, vous en avez dit un. Pour lui faire comprendre. Tout à l'heure, vous en avez dit un que j'ai. Que le Loup de Wall Street. Ouais, je connais deux noms. Avec Leonardo DiCaprio. Et avec Leonardo DiCaprio. Et Johnny Depp. Et Margot. Le nom respect est présent. Je sais plus. Martin, si tu nous écoutes, on est désolé. Ah, en même temps, ma connaissance cinématographique est très très limitée. Bah oui, moi j'ai plus. On va te faire entrer dans le cercle des points disparus. Eh oui, avec les scats, on n'a pas trop le choix de s'y mettre de toute façon. Oui. Le cercle des films disparus. Non. Exactement. La place ne coûtera que 7 euros. Je suis inspiré. Ah non, bah non. Ça va, ça passe. 18, c'est en IMAX. Oh. Oh. Ça fait mal. Bon, enfin, vu que tu vois l'écran en même temps. Oui. Ça mérite. Un petit bruit de Minecraft. Donc, c'était. Je reviens au film. Quoi ? Je reviens au film. Donc, c'est. Donc, il y a le fabuleux Joaquin Phoenix qui joue dedans. Ouais. Qui joue très, très, très, très, très bien. On dit Joaquin. Pardon, excusez-moi. Tu confirmes qu'il joue très bien ? Oui, il joue très bien. Dis, est-ce qu'il joue mieux que Heath Ledger ou pas, concrètement ? C'est différent en fait. Ouais, mais c'est... différent bien ou différent. Différent bien. Je dirais qu'en fait, ils jouent tous les deux aussi bien, mais dans des styles complètement différents. Bah, justement, j'y viens en fait. L'histoire du film. Le film relate la transformation d'Arthur Fleck, qui est un clown mentalement perturbé. En fait, il a un peu paranoïaque et en fait, dès qu'il a une sensation très forte, donc il est, par exemple qu'il est gêné ou quoi, il va rire et il va avoir une espèce de rire nerveux qu'il peut pas contrôler. C'est pas du spoil ça. Ah non, ça c'est pas du spoil. Okay. Non, ça c'est pas du spoil. On connaît tous le rire légendaire du Joker. Oui, évidemment. Mais là, c'est une espèce de truc un peu maladif, un peu très nerveux comme un spasme, en fait. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Mais c'est un spasme strident et qui dure sur la. C'est ça. T'as vu le film, John ? Oui. Ah. T'inquiète pas, je vais tenter de ne pas spoiler. Tu auras droit de... Bon, Teddy mettra un scratch. Voilà. Ouais. Je suis prêt, j'ai le doigt dessus. Titre. Ouais, donc du coup, merci. C'est qui a dit titre ? Oh non ! Fatih, tu connais le jeu des titres ? Bah évidemment. Évidemment. Il y a Epitaph aussi qui est pas mal. Fatih a inventé le titre en fait. Ah, bah pas de notre côté. En fait, il mange, j'ai rien à voir. Ouais, donc c'est en fait c'est sa transformation en le Joker, justement, qu'on connaît maintenant. Mm-hmm. Et techniquement, ça pourrait presque. La suite logique de ce film là, ça pourrait presque être celui avec Heath Ledger. Mais en fait, je l'ai pas très bien dit. Ça diffère complètement avec ce qui se passait dans les comics à la base. Alors, c'est je n'ai pas lu les comics, donc je ne sais pas. C'est mais... fortement inspiré de Killing Joke. Ah, ok. Mmh. Ça ouais. Parle comics. Non, mais je fais genre, je connais de ouf, mais j'ai lu juste lu Killing Joke. Hein, après. Alors ça, je pourrais pas te dire parce que les comics, je les connais pas. Mais, mais en fait, t'as vraiment. En fait, on découvre. Alors, je te spoil pas, mais on découvre un peu que. Comment dire, avec ce film que le Joker finalement n'a pas d'origine. Dire, hein. Je fais très attention. Je prends trois soigneusement mes je choisis très soigneusement mes mots. En fait, ça montre les origines du Joker sans les montrer. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tu te rends compte que finalement le Joker n'a pas d'origine en fait. Bah non, ce qu'il veut pas nous le dire. Non, c'est qu'il n'a pas d'origine. Si, okay, soit, oui, c'est dans plusieurs. Le sens où il y en a plusieurs. C'est qu'en fait, dans le sens où je vais pas te spoiler, mais regarde le film déjà. Celle qu'il nous a montrée, c'est pas l'origine absolue si tu veux. Oui, c'est ça. Tu peux toujours avoir le doute. Ça peut toujours être un peu. Tu peux toujours avoir un remake, j'ai envie de dire. C'est pas. Tu peux toujours avoir une autre interprétation. C'est pas genre c'était un bébé et oh il se faisait maltraiter, oh il a grandi comme ça et oh tu vois. Enfin c'est vraiment c'est. On peut pas créer de petits jokers quoi. Tu pourrais croire mais en fait. C'est tellement dommage. Non, c'est pas aussi arbitraire en fait et c'est ça qui. Très très cool avec ce film. Et écoute, j'ai bien aimé ce film. Il y a beaucoup de gens qui kiffent. Ah ouais, ben franchement. Et c'est pour ça que tu le kiffes encore plus quand tu connais Martin Scorsese parce que c'est fortement inspiré de ses films. Même Scorsese, je dis qu'il aurait pu le réaliser. Teddy a l'air d'accord. Oui. Hein. Oui. Mais c'est. T'as des références à. T'as dit quoi, John? Si tu viens d'apprendre qui c'est, donc évidemment tu es d'accord avec oui bien sûr Martin. Oui évidemment oui. Non mais c'est pas très bon réalisateur Martin. T'as des références à Taxi Driver ou à la valse des pantins de Scorsese. Ah oui, il fait des petites Easter eggs de ses propres films. C'est ça. En vrai c'est moi j'aime bien quand les réalisateurs se font ça. Ouais moi aussi je trouve ça cool. Là c'est oui c'est Top Philippe quoi. Tu m'en avais parlé aussi dans Deadpool, il fait un petit Easter egg de Ferris Bueller. Ouais, de Ferris Bueller. C'est ça. À la fin avec le peignoir. Des petits trucs. Oui, voilà. Toi, ça passe à voir aussi. Ouais. Alors, tiens, pour ceux qui ont regardé le film, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très honnêtement. Je l'ai pas vu encore. je croyais. Combien l'ont vu dans cette salle ? Non, mais si, moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais. Je crois que je l'ai vu dans la même salle que toi en plus. Pas et, mal. et c'est vrai que non, la performance déjà, c'est indéniable, c'était vraiment très très bien. Il joue très très très bien. Aussi, bon, juste pour sa prestation, vraiment, allez le voir. Non, mais c'est parce ça, c'est. C'est encore différent de Heath Ledger, c'est encore un. En fait, c'est pour ça que ça pourrait presque être la suite en fait, parce que tu vois, c'est vraiment cette transformation qui se fait petit à petit. Et tu comprends en fait sa transformation, presque tu le comprends dans sa folie en fait. Donc c'est un peu de pire en pire, tu vois, et justement ça se ressent dans la dans sa façon de jouer. Donc c'est pour ça que c'est deux... Ouais, c'est vraiment deux actings complètement différents en fait. Et moi, ce que j'aimais beaucoup par rapport à la réalisation, c'est justement quand tu sais que Todd Phillips, c'est celui qui a fait Very Bad Trip. Ouais. C'est assez chouette parce qu'en fait, il arrive à créer dans des situations où t'es en empathie complète avec le personnage. Donc des moments gênants où vraiment il faut, t'es censé pleurer, voire limite te dire non, tu vas pas faire ça. Il arrive à te mettre la vanne, mais genre le truc qui fait qu'en fait, tu te retrouves dans un malaise. De malade. Et du coup, ça te met quelque part en fait dans la tête du personnage. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très bien. Du coup, tu t'attaches au personnage. Ah, tu t'attaches vraiment au personnage. Et puis, quand même s'il est. Psychopathe, c'est cool. Ah, mais. Tu t'attaches à un personnage, le psychopathe. Il est vraiment. Tu comprends mieux. Ça devient. Ouais, ça devient de pire en pire au fur et à mesure. Il devient vraiment un psychopathe à la fin. Enfin, pas à la fin, mais il devient psychopathe, spoil quoi. Ça, c'est pas du spoil. On sait tous que je te parle de sa transformation en Joker. Donc, tu sais que le Joker est un peu psychopathe. Oui, je t'apprends rien, là. Bon, je peux pas m'engueuler, hein. Ouais, il est pas aussi fou que. Que Batman. Comment? Non, on voit Batman à la fin du Joker, c'est vachement cool. Puis il y a pas mal de scènes aussi qui ont été improvisées de mémoire, je crois. Oui, la scène du frigo. La scène du frigo, la scène dans les toilettes aussi. Attention, spoil. Hein. Pas de spoil. Non, mais calmez-vous, on peut ils parler ont fait un peu. Avec les envies du mec, il avait envie de chier, ils ont fait une scène aux culottes. Rappelle-toi la scène dans le salon. Il avait faim, il a fait. Tu vois bien laquelle ou celle avec les escaliers, tu vois. Bien sûr, tu vois laquelle. La maison, elle est connue. Du coup, pour le coup, on a été un peu spoil parce que, genre, sur les réseaux sociaux, elle est pas sur masse cette scène. La scène des escaliers, ouais, elle est très mythique dedans. Quoi, il tombe des escaliers? Non, il danse sur les escaliers. Il danse sur les. En fait. Mais non, ça tu le verras. Ça, tu le verras dans une bande-annonce. Ça, tu la verras. Oui, non, mais c'est pas un spoil. Ça, c'est pas un spoil pour le. Non, ça, c'est pas un spoil. Tu la verras. Ça t'apprend rien. T'es chiant. Ça t'apprend rien. C'est juste une super scène où il danse sur des escaliers. C'est tout. Mais dans l'histoire, c'est assez symbolique parce que ces escaliers, parce que tu le vois une première fois. Je te spoil pas, je te vois avec ton regard assassin. Je suis pas bien. Genre, tu le vois une première fois où il a vraiment du mal, tu vois. Tu vois, en plus, c'est il monte les escaliers une première fois. Non, là, tu vois des très bons escaliers, tu vois comme tu te fais chier à les monter, ben voilà. Et une deuxième fois, tu le vois, mais pour le coup, là, il descend et là, il se laisse aller, quoi. Tombe. Est-ce que t'es contente d'avoir choisi ce film où tu te dis ah bah non, j'ai pas le droit de spoiler, mais en même temps. Bah, j'aimerais bien. En vrai, des fois, je pense que je devrais faire comme Gaëlan, parler de films qui sont sortis depuis longtemps. C'est difficile en vrai. Non, mais moi, ce que je trouve bien dans ce film, c'est que Joaquin Phoenix a réussi à jouer avec De Niro. Parce que son frère, River, qui est décédé malheureusement à 23 ans, il a dit tu vois De Niro, lui, c'est un acteur né. Et toi, c'est pareil. Et il lui a dit, bah, tu vas reprendre le cinéma et tu vas continuer. Et ça qui est beau, c'est qu'il finit par jouer avec De Niro. C'est quand même cool, je crois. Ouais. Oh, c'est une belle histoire. Ouais. Surtout enfin. Ce qu'il vient de faire. Pardon. Qui ça? Ah ouais, non. J'ai rien dit. Okay. Comme ça, tu seras obligé d'aller le voir. Okay. On va s'arrêter là. On va lancer une musique, hein, puis voilà. Ouais. On va écouter Volcano de Hera. C'est toi, Volcano. Celui-là, il est facile à dire. Ouais, donc je vais le garder. Celui-là, je me le gardais pour moi. On a 13 secondes. Pour parler, 13 secondes. Ouais, mais vas-y lance. Blabla, OK. Ah non, blabla. Transition. Blabla. Blabla. Ouais. On a encore 10 secondes. Ah, très bien. 9. John, ça va? 8. Bah écoute, ça va. Fatih, ça va? 6. 5. Tu veux pas dire, on se retrouvera. Il y a des petites remarques 2, que j'ai pas faites si 1, vous voulez. 0. Mais c'est un peu tard. C'est parti. Là, t'as 2 secondes. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Oui, effectivement, et là vous avez eu un piège. On a écouté 2 musiques. Ouais, waouh. La deuxième, c'était Il faut qu'on ose d'Alex B. C'était pas du tout Vulcano de. J'ai oublié le prénom, c'est pas grave. Est-ce que. Hera, t'aurais pu me le rappeler en fait. Un autre mauvais point pour toi. Le troisième, tu sors. Et bon. Oh, d'accord. Une porte qui s'ouvre. On s'en fout de la porte qui s'ouvre. C'est un poltergeist. Ah non, c'est juste Megan. Coucou Megan. Bon, on fait coucou. Oh, regarde, passe à la caméra, qu'on voit ton visage. Voilà, elle est pas belle. Hein. Oh l'enfoiré. Tu peux ressortir. Super connard, ouais, effectivement. Salaud. Oui. Est-ce que c'est moins salaud que ton film? Super, casse-couille. Non. Ah, je m'en doutais. C'est quoi que tu vas nous parler? Je vais vous parler d'Alien de Ridley Scott. Ah, oh. Très bon. Hein, lequel? Ouais. Bah, Alien. Alien, le premier. 69. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ben vas-y. Alors, c'est un film de science-fiction sorti en 79 qui dure 1h57. Ça va. Oh. Ils sont dans tes critères sur. Ouais, non, mais alors 1h57 aussi, comme bah, j'avais parlé de Blade Runner qui faisait aussi 1h57. C'est une coïncidence ? Je ne sais ça pas. Ça m'étonnerait. Blade Runner fait 1h57 ? Oui. Dans ma tête, il faisait 2h30. Enfin, non, le 2049 fait 2h30. Ah, ok, ah, d'accord. Le premier est plus court, pardon. Ouais. Oh. Je te coupe. Non, non, mais il n'y a pas de soucis. Si tu as des questions, je peux te répondre. Est-ce que tu as vu la série dans laquelle il joue, John ? Ah ? Non. Moi, pas je l'ai vu jouer dans une série sur Netflix. Quoi ? Il va raconter une grosse bêtise ? Non, une grosse bêtise. Alors, non, il raconte pas de conneries, mais. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Elle a dit, n'hésite pas à poser les questions. Ah oui, d'accord. C'est, ouais. Toi, c'est toi, John Bertram en fait? Non. Mais John est un acteur très célèbre. D'accord. Il a joué dans la Lazy Company. Oui, bien sûr. Ah, en fait, ah mais oui ah. En plus, Thomas est pas là, il faut absolument que je la regarde. Ah, ah ouais, franchement, ouais. Regardez là. Si vous savez pas quoi regarder, regardez. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est sur Netflix. Je sais plus. Et c'est une série un peu de chez nous quand même. Ah bah si, oui, carrément. En fait, les créateurs, c'est des anciens du conservatoire de Tours. Ouais, voilà. Donc et c'est chez nous, ouais. C'est de la région Tourangelle. Et d'ailleurs, le réalisateur, donc c'est Samuel Bodin, c'est celui qui a fait Marianne sur Netflix. Ah, ouais. Et Stephen King recommande Marianne. Eh bah, oh. Je crois que je vais le regarder. Donc, par définition, il recommande la Easy Company. Alors, voilà. Regardez-la, vous verrez John faire. Tu fais quoi d'ailleurs ? Tu sais même pas ce que je fais en plus, t'as même pas vu l'épisode. Tu parles que tu veux que je l'ai vu ? Non, je suis sûr que tu l'as vu. Tu joues un Allemand qui dit « Arc, j'ai les doigts de pied en stalactite !» C'est presque ça. T'as presque. En plus, avec l'accent, non, pas mal. Ouais, j'ai essayé. Il fait un petit truc comme ça, et c'est génial. D'accord. Tu commences l'épisode, tu vois ça, tu dis « Oh putain, ça commence bien !» Bon, bah, je crois que t'es grillé. Oui, j'adore. Alors, Alien, Ridley Scott. Alors, Alien. Reprenons. On y va ? Ouais. Okay. Alors, c'est un film produit par la Fox. Donc, maintenant, on sait à qui ça appartient, ce film. Hein je sais plus. Ah bah Disney. Donc c'est un film écrit par Dan O'Bannon. Je reviendrai sur lui plus tard. Donc l'intrigue du film se passe en l'an 2122. D'accord. Ouais, ça fait un paquet d'années. À peu près 100 ans. Voilà. Donc on a. Je retire. Qu'est-ce qu'il a dit encore? J'ai pas. Rien. J'ai dit que ça faisait 100 ans. Non, non mais c'était du fait des maths. Et moi ça m'a. Ouais. Alors c'est que chercher en quelle année on était tout simplement. Non, non, c'est aussi simple que ça. En 2019. Je suis un peu perdu. 2019, ouais, ah si, je suis un peu perdu temporellement. Ouais. Il était en train de compter sur ses doigts. 2078, 2079. Ok. Chercher mon âge c'est compliqué mais. Ok. Donc alors pour le casting j'ai juste retenu deux personnes. D'abord Sigourney Weaver qui est la personnage principale qui joue Ellen Ripley, donc on peut la voir après dans Ghostbusters. Ah, et puis dernièrement dans Avatar. Je connais. Voilà. Sinon, il y a Ian Holm, pardon, qui joue l'android H, qui est connu pour jouer Bilou Sake dans Le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Et, voilà. Et t'en oublies un, John Hurt. John Hurt, ouais, qui malheureusement lui se fait défoncer la cage thoracique. Ouais. John Hurt, je crois qu'il joue dans Snowpiercer. Et ouais, il me semble qu'il joue dans Snowpiercer. Voilà. Et il joue aussi dans l'adaptation de 1984. Ouais. J'ai pas vu. Okay. Mais c'est Ollivander dans Harry Potter. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Ah bah là, ça parle tout de suite. Tout ah boum bah, oui, là, pour le coup. Je suis pas un spécialiste d'Harry Potter, mais donc, je connais Ollivander. Pour l'histoire, alors, le cargo spatial Nostromo rentre vers la Terre au terme d'une mission de routine. L'équipage, 5 hommes et 2 femmes, est pour l'instant en hibernation. Ayant détecté un signal de détresse, l'ordinateur de bord les réveille plus tôt que prévu. Le vaisseau dérouté approche d'une planète inconnue. Le commandant Dallas et deux membres de son équipage, Lambert et Kane, débarque sur un sol vierge de toute trace de vie, à l'exception d'un vaisseau démantibulé. Et là, c'est le drame. Mais je l'ai vu ce film. Vestige d'un autre temps. Mais je l'ai vu. Où se développent des œufs énormes et translucides traces d'une vie grouillante. Jaillissant de l'un d'eux, une chose traverse le scaphandre de Kane et se colle à son visage. J'aime. Non. Yes. Voilà, déjà. On pose l'histoire là. Ok. Ouais, tu as bien dit je l'ai vu ce film. Gluant se met sur son visage, c'est ça ? Oui. Et en fait, cette chose Marguerite. va aller pondre un œuf tu veux que je dans le corps de son autre. Oh non. Mais c'est encore plus un titre. Ah bah là. Mais je suis désolée. Mais parler de vos soirées. Même moi, je l'ai pas dit. Je me suis retenu. Mais quand même. Bah, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as écrit ce synopsis? Non, jamais. Ah, dommage, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écrire les synopsis. En vrai, c'est très très chiant à écrire un beau synopsis. Il y a beaucoup de règles. Donc voilà, je remercie Télérama. Merci à vous. Merci. Tant que c'est pas Wiki. Non. Enfin, je vais pas le voir. Donc voilà, j'ai plusieurs choses à vous dire concernant le film, des choses à savoir. Donc il y a, bah, je vous ai parlé du scénariste Dan O'Bannon. Ouais. C'est lui qui a écrit tous les personnages d'Alien, ouais. Donc le 8e passager, pour être joué sans distinction par un homme ou une femme. Donc Ridley Scott cause de la surprise en choisissant Sigourney Weaver plutôt qu'un acteur masculin pour incarner le lieutenant Ripley. C'est du sexy, ça. Ça, c'est cool. Non, et c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien. Parce que c'est peu connu à l'époque. Mais pourquoi c'est étonnant? Ah, d'accord. Ouais, voilà. Justement, si vous cherchez dans les références d'héroïne badass, Sigourney Weaver dans Alien, voilà. Franchement, ça. Tu prends Hélène Ripley, et qui en fait Weaver sera la première d'une longue lignée. J'avais bien dit Tomb Raider. Bottant des culs au cinéma. Ouais. Surtout bottant le cul des aliens. Comme Marguerite maintenant. C'est-à-dire ? Tu m'as botté le cul tout à l'heure, je me rappelle. Enfin, t'as essayé. Pourquoi ? Oh, je sais, non, je t'ai botté. Parce que t'es badass. Rappelle-toi. Parce qu'elle est badass. Elle est cheveux bleus, elle est badass. Exactement. Je lui crame ma gueule. Donc l'alien. Elle a pas frappé les couilles, c'est déjà. Mais pardon. Non, je suis sympa. Vas-y, continue. Donc l'alien, bien qu'il soit en vedette, on ne le voit au total que 4 minutes dans le film. Ce qui est très peu. Parce qu'en fait, il joue énormément sur le hors-champ. C'est tout lourd en fait, le mec. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est que ça va créer plus de tension. D'accord. Donc pour incarner, c'est un acteur qui est dans la combinaison de l'alien. Donc au départ, il y avait Peter Mayhew qui est connu pour incarner Chewbacca. Tout à fait. Il auditionne, mais c'est Bolaji Badejo, un étudiant nigérien en graphisme qui fait 2m18, qui est finalement choisi. Ah oui. Bonne fête. Ok. Je suis en train de penser par rapport à ce que tu disais. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup l'alien, penser un peu à Signe de chez Malan, ouais. Où on voit quasiment, c'est pareil, on les voit jamais en fait. Enfin, on en voit une fois, ouais, à la télé. Et encore très rapidement à la télé. Non, si, on les voit correctement à la fin quand ils se battent contre lui. Oui, c'est vrai. Mais sinon, on voit pas beaucoup. Hein. En vrai, c'est une des règles des bons films de monstres, tu ne montres pas la bête. Non, c'est à chaque fois que c'est des choses comme ça. C'est ça. Mais tu joues sur le suspense. Ouais, pas le dernier Godzilla, mais celui qui était sorti en 2001 ou 2003, je sais plus. Tu vois pas Godzilla avec Jean Reno et Matthew Broderick. Ah ouais. Où tu vois juste un tout petit bout de queue qui n'est pas de titre. Magnifique. Juste des passages comme ça, une patte, un truc comme ça. Mais tu vois vraiment la bête en entier, le monstre, que à la fin. D'accord. Ah ouais, ça me fait. C'est le dernier Si, celui-là. Ouais, lequel toujours. Lequel non, parce que. Non, c'est plutôt l'autre. C'est l'autre avant. Toi, tu es dans le micro. Non, on disait non, pas le Godzilla 2000. Celui où tu vois vraiment peu Godzilla, c'est le dernier où il y a eu Bryan Cranston dedans. Qui était teasé dans le trailer. Et avec Aaron Taylor Johnson. Pendant environ 2 minutes dans le film. Non, il apparaît. Il apparaît 20 minutes. Non. Si, il apparaît sur les 20 premières minutes. C'est vrai ? Ouais. Ah bah je te crois. Contredire Galen, c'est quand même compliqué. Attention. Là, faut s'accrocher quand même. Il a fait ses recherches, lui. C'est son métier. Vas-y, continue Galen. Notre scénariste Dan O'Bannon, lui, il souffre de la maladie de Crohn. Donc c'est. Tu souffres de douleurs à l'estomac. C'est horrible. Okay. C'est juste lors de l'écriture d'Alien, c'est lui qui donne l'idée à. Ah, c'est des vraies maladies, merde. Oui. Ah. C'est lui qui donne l'idée à John Hurt. C'est lui qui donne l'idée. Où John Hurt accouche d'un xénomorphe. Oui. La fameuse scène où ça sort du ventre. C'est parce qu'il avait une maladie. Et les autres comédiens n'ont pas été mis au courant des détails au moment du tournage. La réaction de surprise des autres acteurs est réelle. Ouais. Ça, je l'avais vu. Authentique. C'est ça, ils étaient pas au courant qu'il y avait un truc qui allait sortir du bide. Ouais, c'est dans le film ça aussi où t'as le c'est le dernier, où t'as le clown qui apparaît, ils font défiler un truc, ils font défiler des photos, d'accord. Et t'as le clown qui apparaît, il savait pas en fait qu'il ressemblerait à ça, c'est la première fois qu'il le voyait. Genre, dans ça, c'est souvent qu'en fait il savait pas du tout à quoi il ressemblerait, du coup leurs réactions sont des vraies réactions, bah pareil que là en fait. C'est très beau. Je glisse ça. Cool. Je pose ça là, vous en démerdez. Exactement ça. Et alors, lors du générique du film, on voit des traits apparaître à l'écran, des traits qui finiront par composer le titre du long métrage Alien. Mm. Donc, c'est un travail de graphiste et ça a une signification bien particulière puisque chaque trait apparaissant annonce un mort dans le film, tel des petits bâtons pour compter le nombre de victimes à venir. Donc, il y a plein de bâtons en fait. Je savais pas ça, t'as pris ça comment ? Puis j'ai vu. Halluciné. Je sais pas si c'est un rapport Alien vs Predator. Oui, c'est un rapport. C'est un rapport. Est-ce qu'on va vraiment parler de ça ? Je les ai pas regardés. Je sais pas. J'ai vu les deux, moi. Je me rappelle plus si je l'ai vu ou pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les films Alien. Et je peux vous conseiller, il y a Alien le retour, mais il y a un livre audio alternatif à ce premier film qui dure 4h30. Et on retrouve toutes les voix des acteurs. Donc surtout celle qui fait en VF Ellen Ripley. Mmh. Et ça dure 4h30 et c'est une suite alternative au premier qui est super. Mais ils reprennent juste l'audio ou ils le remodifient? Non, c'est juste l'audio. L'audio et avec les sons sonores, les effets, enfin c'est vraiment suffisant super. Sans être modifié, c'est suffisant pour tu crées toi-même l'image, c'est super. Tu veux dire la suite entre le 1 et le 2, c'est ça? Non, la suite du premier. Donc tu vois, t'as Alien le retour. Ouais. Mais Alien Covenant, Alien, c'est pas ça? T'as Alien la sortie des profondeurs. C'est de Halo, ça, les Covenants. Ok, d'accord. C'est les préquels. C'est les préquels, ok. Voilà. Et là, juste Alien la sortie des profondeurs, c'est une suite alternative. Ok. Ok. Voilà. C'est comme si le 2 n'existait pas. Question aussi. Prometheus, est-ce que ça. D'après ce que j'avais cru comprendre, c'est un rapport? Oui, c'est le préquel. D'accord. C'est comment est venu l'Alien. D'accord. Ouais. DVD, et puis sinon, je vous conseille le jeu vidéo Alien Isolation où on joue la fille d'Ellen Ripley. Ouais. Okay. Et il fait flipper ce jeu. Oui. Ah ouais. Très angoissant. Là, t'es immergé direct dans le truc. Ouais. Puis aussi, je voulais en parler de ça. Tu dis qu'on voit pas beaucoup l'Alien. Oui. Bah, ça me fait penser aussi à l'univers de Lovecraft. Oui, Cthulhu, bah, où on parle beaucoup du Cthulhu, mais on voit pas. C'est fait exprès. Bah là aussi, c'est peut-être fait l'Alien exprès. Non. Ils ont pas fait exprès de pas le mettre beaucoup. Bah si, c'est fait exprès puisqu'ils veulent jouer sur le hors-champ, mais Cthulhu c'est une entité autre. Ouais, mais c'est juste pour faire une entité qu'on connaît pas. Juste pour parler de nos amis d'enrôler dans la folie. Qu'est-ce que tu casses mon délire là? L'alien, tu sais à quoi il ressemble. Alors que Cthulhu, tu sais pas. Si, il a une grosse pieuvre. Tiens d'ailleurs, Teddy, est-ce qu'on ferait pas un truc spécial Cthulhu? C'est pas prévu ça? Si, on peut teaser cette émission effectivement. On peut carrément teaser. Peck Avenger va faire une émission spéciale Cthulhu de 21h à 23h sur Indestar. Je dis pas quand. Si, bien sûr que si. C'est le 5 décembre. Donc c'est deux jours avant la première de Peck Avenger. Merde, tu présentes Piège de Cristal ce jour-là. Non, la deuxième dans Relais la Folie. Je sais pas du tout ce que tu présentes Piège de Cristal. Oui. Et je suis pas invité. Bah si. Bah tu peux venir. J'ai compris. Maintenant les jeudis soirs, j'étais invité. Mais oui, voilà, t'es un membre permanent maintenant. C'est foutu. T'as signé, hein. T'en avais pas rendu compte. Au pire, on t'enferme ici. Moi, ça me pose pas de problème. Il y a un canapé, il y a de la pizza. Tu crois que Clément il fait quoi à chaque fois? Non, moi je dors là-bas en fait. Il y a un petit canapé. Mais du coup, t'écoutes. Oh mon dieu. C'est enfin le moment de l'émission qu'on écoute du Hanafrique. Ah bon? Oui. Merde. Ah yes! Je vois Yann qui est là-bas, il a l'air très content. Toutes les semaines, on y a le droit. Oui! Alors, c'est le nouveau titre de Hanafrique, si je me trompe pas. Ah. Grateful! C'est le nouveau titre, oui, voilà. Il est sorti quoi, il y a 2-3 semaines, même pas? Ouais! Et bah, on va être obligé de se le cotiser. Non, franchement, il est pas si mal que ça. Je le trouve un peu triste, mais il est pas si mal. Ah, Megan me dit dans l'oreillette. J'entends chat dans mon oreille. Non. Il y a son manager qui vient nous taper dessus, alors fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Bah, il adore Hanafrique. Personne, enfin, tout le monde est au courant que Théo aime Hanafrique. Et Hanafrique aussi est au courant que. Je te rappelle qu'elle est mariée. Hein. Mais c'est quel détail? Envoie. Ça ne fait rien. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Ouais, enfin les PK Avengers, pas vraiment au complet. Hein. Il nous manque toujours Marguerite, mais bon, ouais. Allez aux toilettes. T'étais où? Mais en attendant, vous avez écouté le titre d'Anafri du coup? Bien oui. Sûr. C'était génial, j'adore. Adoré. Ouais, non, mais moi je le trouve vachement trop. Fin... Non, moi je trouvais que c'était très. Très moi je trouvais que c'était un peu. C'était trop Anafri. Ouais, il y a trop de Anafri là-dedans. Non, enfin bref. Mais sinon, elle est vraiment free ou pas? Oh. Théo, t'es là. Il aurait pu nous le dire, lui. Pardon. Ah non, elle est déjà prise avec Théo, d'accord. Ouais, bah non, elle est free. Elle est chez Free, elle est tout. Non, je vais voir. Sinon, moi j'en ai une si tu veux. C'est deux donuts, ils vont se baigner. Voilà. Baigner des oui. Donuts. C'est essayer de comprendre. Voilà. Ça veux pas faire la blague du facteur je comprends vite, mais il faut m'expliquer aussi. Longtemps. Est-ce que tu connais la blague du facteur? Non. Alors, c'est un facteur, il chante. Il a un beau timbre de voix. Ça te plaît? Oui, sans problème. Merci. Marguerite ne validera pas cette blague. Non, je pense. Bah, en même temps, elle a pas entendu. Les blagues de merde, elle aime pas ça. Ça dépend, c'est quoi? Bah, vas-y, fais-y. Ah, t'as raté des trucs. Oh, non, oh là, oh là. Je suis déçu, je suis désolé, j'étais en retard. Elle était aux toilettes, elle a chié un bonk. C'est le salaud. Ouais, pour moi, une fois que c'est pas toi. Oui, effectivement. Oh. Ouais, mais moi, c'est normal. Ouais, t'es facile, celle-là. J'aurais pu en faire une gueule. Donc, qu'ai-je loupé? Bah, je sais pas. T'as pas loupé le film, en tout cas. John, il a pas parlé encore. Enfin, il a hâte de savoir de quoi il va. Je vais fermer ma gueule jusque-là. Exactement. Eh ben justement, on sait toujours pas de quel film il va parler. Non. Il nous l'a toujours pas dit. Là, c'est le ta moment. Ta gueule, t'as dit, il va nous le dire. Oh, ok. je me venge, poisson. Voilà. Oh. Oh. C'était une blague. Alors, bah, moi aujourd'hui, j'avais plusieurs propositions à vous faire, mais je vais vous parler de. Bukaro Banzai. Non. Qu'est-ce que t'as contre Booker Bounty? Mais non, mais ça aurait été drôle qu'il nous parle d'un film que t'as déjà parlé. Non, non, non. Je vais. En fait, mon coloc m'a suggéré l'idée parce que c'est un film que enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi. Oui. C'est Hardcore Henry. Ah oh, oui. Oh, merci. Okay, voilà. Ah, je l'ai pas vu. Que, pourquoi alors, tu cries oh oui quand t'entends ah, Hardcore oui. Parce que tu vois l'orgasme culinaire. Ouais. Ouais, bah là, c'est l'orgasme, l'orgasme visuel. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Attends, parce c'est quoi Hardcore, Hardcore Henry. Oh. Okay. Mais là, comme ça, je suis en train de me dire qu'on l'a peut-être trop vendu là. Alors, ah ouais. Pas. Non, non, mais. Donc, en gros, Hardcore Henry, donc c'est un film de 2015. Ouais. Donc, c'est un film américain et russe en même temps. Waouh! Ah ouais! Deux concepts! La guerre froide n'était pas si loin pourtant. Ouais, c'est clair. Donc, le réalisateur, j'aurais du mal avec son nom, donc c'est Ilya Naishuller. Je crois que c'est ça. C'est le chanteur de Biting Elbows. Je sais pas si vous connaissez le groupe. Qui est réalisateur non, aussi non. Alors, non. En fait, il a. Donc, c'est le chanteur de base. Ouais. Il a fait un clip. Donc, ça arrive. La chanson, justement nommée Bad Motherfucker. Ouais. Et dans ce clip-là, en fait, ce que tu vois, c'est un mec, donc en GoPro. Donc, tu vois, en fait, comme si t'étais ce personnage-là. Ouais. En FPS. C'est ça, en version comme si t'étais FPS, donc avec le flingue. Comme un jeu vidéo, ça. Ouais. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui se fait un peu tabasser, puis qui fuit, tout ça. Donc, c'est très dans le immersif. Clip du chanteur. Ouais. Il se fait tabasser. Oh. Voilà. J'aime. Non, et donc, du coup, donc, le film, ça parle évidemment de Henry. Et ça se passe en Henry. Bah, Hardcore Henry, donc ah bah, tu vois. Ah, voilà. Bah oui. Jusque-là, suis tout un est peu, dit, suis un peu. Oui. Non, mais c'est juste que j'avais pas compris que c'était un prénom. Ah, d'accord, oui. Voilà, maintenant je le sais. Donc, en gros, Henry se réveille dans un laboratoire, complètement amnésique. C'est toujours en GoPro. J'ai cru qu'il t'allait dire ah oui, complètement c'est... défoncé. Pourquoi non, pas c'est, ouais. C'est filmé en première personne ah ouais. Pendant 1h30. Oh, okay. C'est trop bien. J'y arrive. Donc, pour vous raconter le pitch, donc Henry se réveille dans un laboratoire. Il sait pas du tout qui il est. Mais en même temps, nous, quand on arrive en tant que spectateur, on sait pas non plus. Donc, pas mal comme transition. Effectivement. On se rend compte que c'est un humain qui a des prothèses en mode cyborg. Ah, c'est-à-dire que c'est moins, ouais. Il est en train de se faire remettre la main, mais genre visser, tout ça. Donc tu dis ok. C'est tu tout sais à pas fait du normal. Tout, tu sais pas du tout où t'arrives. D'accord. Et tout ce qu'on sait, c'est que du coup, bah, il a eu cet accident où il finit muet et amnésique. Mmh. Donc peut-être grosse soirée, on sait pas. Ouais, projet très chaud la soirée là. Projet X3 en Russie. Oh, putain, avec Poutine et alors, Trump. Du coup, quand il se réveille, il rencontre Estelle qui est une scientifique et qui lui dit que c'est sa femme. Alors bah tout de suite, une confiance se crée, un personnage est présenté. Et arrive ensuite le méchant qui s'appelle Akan. Donc rien que le nom, ça prouve qu'il est méchant. Arkham. Pardon. Un truc comme ça. Et ensuite, donc, bah, le méchant est en train de dire qu'en gros, bah, Estelle, c'est sa propriété ou je sais pas quoi. Donc il kidnappe Estelle. D'accord. Teddy, il en a plus rien à foutre. Non, c'est qu'on m'a fait du pied. Donc, c'est pas moi. Je sais. Estelle se fait kidnapper, donc comme dans un Mario Kart. Oh, il a lancé une peau de banane. Oh, il a lancé une peau de banane et il est monté dedans. On dirait qu'il y a Bowser qui arrive. Ouais, c'est ça. Et donc le méchant se barre avec. En même temps, si tu veux, donc Henry qui est pas totalement fini, il manque la batterie. Triste. Pas titre, pas ouais, titre. Ouais, triste aussi, mais sa batterie est pas complètement rechargée. Et puis il lui manque la parole. Donc en fait, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, quand il s'est fait rebooter, bah, il a pas été rebooté totalement. Ouais. Mais il est quand même obligé de se barrer parce que les méchants sont là. Donc il arrive dans une espèce de. Ça se passe dans un vaisseau. Il se catapulte comme ça, donc toi en fait ce que tu vois c'est tout en GoPro, donc t'es vraiment c'est un truc très immersif. C'est un peu un cyborg du coup maintenant, ouais. Ouais, c'est plus cyborg que humain, ouais. Ouais. Parce qu'après, spoiler, mais il défonce tes culs. Oui, on peut dire titre, effectivement. Là tu peux, ouais. Il défonce des gueules. Il défonce plein de gueules. Quand il arrive du coup sur Terre, donc il se fait tabasser, clairement. Il se fait toujours tabasser ce mec, c'est pas possible, c'est une victime. C'est ça. Et après arrive donc un personnage qui s'appelle Jimmy. Jimmy, en gros, c'est un mec qui sauve Henry, qui lui dit en gros quoi faire. Genre va là-bas, parce qu'il y a des méchants à buter, machin. D'accord. On en oublie pourquoi il va les buter. Hein. Mais d'accord. Et moi ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que alors il joue respectivement, parce qu'à chaque fois en fait il meurt et il ressuscite. Yes. Donc il joue respectivement un mercenaire, un clochard alcoolique. Un addict à la coke, un geek timide, un hippie biker, il joue un sniper, un scientifique, un punk, et un colonel de guerre. Ça ferait un super jeu mais vidéo. C'est ça. Trop bien. Ça f... Mais il y a pas un jeu vidéo comme ça. Ben et... justement, en fait, je vais y venir. Ça reprend énormément de codes de jeux vidéo, ouais. Notamment FPS et plateforme. Et je crois qu'ils ont choisi le bon acteur pour ça. Aussi. Charles Tocco. C'est vrai qu'il faut les incarner tous ces personnages. Ouais. Non, pour celui qui joue Jimmy est vraiment excellent. Ouais. Enfin, juste une question. Est-ce qu'on le voit? Genre, est-ce qu'il y a des moments où il y a un miroir, on alors, peut se voir? Parce que pour le coup, si c'est alors, une caméra subjective. Tu as beaucoup de plans, par exemple où il est en voiture, où tu dis bah tiens, je pourrais le voir dans le reflet ou le rétroviseur, un truc comme ça, et c'est super bien fait parce qu'il y a un seul moment en fait où tu le vois. D'accord. Et c'est un moment. Tu vois juste son œil. En fait. C'est ça. En fait, tu vois juste un bout de sa tête. Mais c'est fait exprès parce que c'est le seul truc en fait, bon, tu dis bah elle est où la GoPro c'est le seul moment où il se voit et c'est un passage clé où du coup ça le réanime un peu et il continue à casser des gueules. Voilà. Tu n'as pas parlé. Mais on ne sait absolument pas à quoi il ressemble là. Non. Enfin, bah okay, en fait d'accord. Quelque part si tu veux c'est ça qui est bien parce que c'est le cinéma, la magie du cinéma, c'est que c'est toi Hardcore Henry. Ok. En fait c'est toi qui défonce des gueules. Ouais mais tu meurs tout le temps alors tu te fais aussi casser la gueule. C'est pour ça que ce serait dans un jeu vidéo ce serait. Est-ce que tu vas nous dire la fameuse réplique de Tim Roth au début? Eh bah non. Et bah non parce que oui Tim Roth donc celui qui joue dans Lie to Me, Reservoir Dogs, Pulp Fiction on le présente plus. Hulk. Il joue dedans et il joue le papa de d'Henry. Ah d'accord. Tu veux pas la dire je pense toi. Je l'ai pas. You're a little. Ah, ça vient de là. Your little pussy. C'est vrai. Attends, tu peux me faire la traduction en français? T'es qu'une petite chatte. Tu as un petit chat. Tu vois, c'est plus mignon dit comme ça. Alors, c'est que j'étais pas vraiment sûr qu'on parlait de la même chose, mais si en fait. Si, complètement. Traduit en français par une petite fiotte. Donc voilà. Fiotte. D'accord. Cadeau. Soit. Donc oui, donc c'est filmé caméra subjective, donc en GoPro. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a très très peu de cuts. Les cuts en fait sont faits de manière à ce que, bah, par exemple, si quand tu meurs. Non. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que tu as une scène, par exemple, le personnage est en train de courir, mais parce que t'as pas envie de le voir courir pendant 5 minutes et que ça sert à rien, il va directement au point où il est censé arrêter de courir. D'accord. Et c'est des trucs comme ça où on se dit, bah, en plus, la GoPro, pardon, mais c'est un peu gerbant des fois. Oui. Et oui, bah ils font des jump cuts. Ouais. Non. Justement, c'est fait exprès et c'est plutôt bien fait. Il y a des moments comme ça où ça secoue un peu, évidemment, mais dans l'ensemble. C'est très très bien ça réalisé. Ça me fait penser aux vidéos de parcours, tu vois, où tu sais, ils ont une GoPro embarquée. Ouais, bah c'est ça. C'est cool. Tu vis un peu le truc comme ça, et en plus, donc t'as quand même un côté effets spéciaux qui est dedans. Ouais. Parce qu'ils ont utilisé un logiciel donc qui s'appelle Blender. Et c'est Blender. 80% des effets spéciaux, c'est un logiciel en open source. Donc tout le monde peut. Ouais, ouais, c'est ça qui est chouette. Ah ouais, c'est. Donc par exemple, ils avaient pour le coup, tu vois, un budget de 2 millions de dollars. Ouais. Semble-t-il. Ils ont utilisé 200. Et ils en ont récolté 14,3 millions. Ouf. Et pourtant, c'est pas un film que je trouve qui a énormément marché, en tout cas en France, qui est passé même plutôt à la trappe. Mais voilà, moi je le peut-être recommande. Peut-être à cause du côté FPS. Peut-être. En France, c'est pas trop notre délire cinématographiquement. Justement, par rapport à la critique, donc évidemment, ce qui a divisé, c'est que c'est un film violent, parfois gratuitement. Le scénario est un peu plat parce que à part casser des culs, il fait pas grand chose. Mais des fois, ça défoule bien. mais ce qui fait que c'est positif, c'est que c'est quelque chose de totalement immersif. Quand vraiment il faut se mettre dedans, c'est très drôle. Il y a vraiment des moments comme ça où t'as des morts ridicules. Enfin, c'est très très bien fait et c'est bourré d'action. En fait, c'est ça juste son but, casser les gueules. C'est ça. Mais, récupérer sa femme. Je crois que je vais regarder. Oui, c'est vrai. C'est comment t'as dit le nom du jeu? Hardcore Henry. Ouais. C'est clair, pour faire une soirée, ça doit être cool. Ah ouais. Voilà. Passer un bon moment. Ou alors, tu sais, au lieu de faire une soirée à thème genre Tim Burton, tu fais une soirée à thème. Oh Hardcore là là, Henry. Ça crache. Non, la soirée Tim Burton était géniale. Même si t'étais déguisé en chinois. Ouais, rien à voir. Non, mais t'as dit, au lieu de faire des soirées Tim Burton. Ouais. Mais ça peut être aussi faisable, genre une soirée Hardcore Henry. Tu vois, on incarnerait chacun un personnage et on le ferait à notre sauce. Enfin, un personnage de jeu vidéo, quoi, si tu veux. Ouais. Oh, peut-être. Wow. Vous avez compris l'idée, quoi. Et donc du coup, puisque c'est un film qui reprend des techniques de jeux vidéo et que quelque part la technique fait que le spectateur, donc qui est toi, donc c'est toi Henri, et est-ce que ce serait pas vraiment le spectateur la vraie prothèse du film? Ah. Oh, wow. Révélation. Voilà. Mind blowing. Ça envoie du. Attends, est-ce qu'on a? Oui. Est-ce que le? Oui, c'est bon. Ah. Ça a cassé les oreilles. Ouais, c'était grave fort. Moi ça va, j'ai pas d'écoute. Moi ça va. Je te jure que moi j'avais envie de crier. Merci. Voilà, ouais, parce qu'on a un public vachement nombreux. N'est-ce pas? Es-tu là, public? Oui, c'est Megan. Mais on l'aime bien, Megan. Hein, tu viendras un jour dans PK Avenger? Bah oui, elle est déjà elle là. Elle dit oui. Non, non, non, mais... oh. Tu viendras dire... participer. Voilà. Oui, elle viendra participer. Elle a dit un grand oui. Je suis fort heureuse. Voilà, donc maintenant, on a gagné 50 auditeurs. Oui, je te veux dans mon équipe. C'est ça. Oui, tu l'as choisi. Comme les Pokémon. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Des Pokémon? Oui, oui, oui. On a des actus Pokémon tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous parler d'un jeu. D'accord. Mais avant ça, on va écouter une musique. Mais avant ça, on va... Non, on va écouter Bad Blood vs Iron Man. Bad Blood. DJ From Mars. Bad Blood, ah oh, oui, Blood. Oh là là. Bad Blood, oh, oh oui. Teddy, mais vraiment. Hey, juste pour la petite anecdote, j'ai en cours d'anglais, il y avait une meuf pour dire about, elle a dit about, oui. Elle s'est fait lyncher à mort. Et pourtant, c'est canadien, tu le savais ça? Ah ouais? Et bah voilà, 3 secondes de surprise, et maintenant c'est parti. C'était... Jusqu'à 23h, la pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. C'est normal, ça fait 59. Bah t'as dit le bouton. C'est... Alors je ne suis pas ce bouton, c'est notre cher Jolat. Ouais, mais non, mais il y avait un peu de cornemuse. Il se, part, oui il se passe des trucs surnaturels des fois. Sur... Le petit coup de cornemuse, ça va être le pouvoir des pierres de Zebra qu'on écoutera non, tout à l'heure. Ouais. C'était Sean Connery venant de Highlander 2. Non. Non, pas gros du film, Highlander 2. Ah ouais. Oh Zeist. C'est pas une série Highlander. Planète Zeist, les gars, faut connaître. Ouais. Hein, ah, Zeist. Avant que ce soit une série, mon justement. Gars. C'était non, un film. C'était un film. La bande-son, c'est Queen d'ailleurs. Ouais. Oh, joli. Mais on est que des spécialistes. Je parais tout plat, moi, dans mon truc. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié ma feuille. Donc, vous allez meubler en attendant. Oh là, ah, le con. Meuble, Ikea, meuble. Non, je l'ai fait pour Teddy. Que Teddy est... Bon, Teddy se lève de sa chaise. Teddy est un incapable. Alors, dépêche-toi, t'as 10 secondes. Là, du coup, il sort de l'écran, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il ouvre une porte. Ah non, c'est même une femme. Megan ouvre une porte. Oh, elle vient de se prendre une autre porte. Donc là, normalement, il est parti pour aller se manger une pizza. Hein, ça, c'est ouais, ce sans nous pas. En plus. Oui. Et ça, je trouve que c'est pas très correct. Non, il abandonne un peu son équipe là. C'est... Oui. Tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce qui branle? C'est pas très charmant. Il ouvre une feuille, il ferme la porte. Il est revenu. Il est énervé. Actuellement en train de marcher vers nous. Tu es pas très organisé. Plic-ploc. Plic-ploc. Plic-ploc. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Et attention, tic-tac. Mesdames et messieurs, hey, le grand, le seul, l'unique. Teddy. Les vrais artistes savent se faire désirer. Ah bah alors t'en es pas un. Quelle entrée épique. Oh mais. Oh, parfait. Parfait. Il m'a mis un scratch. Toi tu parles plus jusqu'à la fin de la semaine. Non vas-y, on peut lui laisser le micro. Alors. Ça tombe bien parce que sur ma feuille il n'y avait pas grand chose. Parce que c'est. Ça on déconne, il y a trois lignes. Oui, chercher trois lignes. Mais, ce sont les trois lignes les plus importantes. Parce que c'est les trois lignes que je pourrais pas retenir du jeu. Parce que, évidemment, c'est un jeu auquel j'ai joué, que je connais sur le bout des doigts, et je trouvais mal les mots pour l'écrire en fait. Je vois ça. Ah, le bout des doigts. Jolan, arrête de me toucher quand même. Pas en public, on a mais... dit. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de Divinity Original Sin 2. Divinity. Donc évidemment, Divinity. Divinity. Ça va être long. Vas-y. Kellan, je t'aime pour ce que tu es. Mais pas pour ce que je dis. Si, ah oh bah si, j'adore ce genre de blague de merde. Okay. Enfin bref. Alors, Divinity, c'est un RPG. Où que vous avez le choix déjà du personnage principal, pour commencer. Donc ça offre une possibilité assez... conséquente et je dirais même un peu spéciale parce que tu pourrais avoir le choix entre des personnages prédéfinis, genre ils ont une histoire, ils ont genre c'est le prince de tel truc, c'est un les gros lézard et tout, voilà. Et tu pourrais prendre un lézard lambda, genre neutre qui a pas d'histoire. Je trouve ça ce concept assez sympa. Tu as aussi un squelette qui fait partie du peuple des éternels. Tu as aussi une sorcière qui est un peu folle dans sa tête. Non, elle est juste dans... Bon, elle a juste des pouvoirs. Et elle a un petit démon aussi en elle, mais bon, c'est qu'un détail. Faut pas avoir peur de ça. Après, il y a aussi un... Alors, c'était pas un nain. Mais j'aimais bien dire que c'était un nain. Juste parce qu'il me fait penser à Gimli, mais ça n'a rien à voir. Je crois que c'est un arbalétrier ou un truc du genre... Mais... Je me rappelle même plus de son nom à celui-là. Ah, moi, ah non, je te crois sur parole. Hein, je te crois sur parole. Tu me crois sur parole parce que... Ouais. Ah, bah alors vous allez me croire sur parole. Et bah, ce nain, il était pirate. Rien à voir, ouais. Il est pirate et après il a été dans la comté. Non, c'est bon, je m'arrête. Donc voilà, t'as le choix entre plusieurs personnages. Il y en a deux autres. Ouais, il y a des humains aussi. Il y a un humain. Ah ouais, j'y ai pas pensé, il y a un humain. Et c'est cool les humains. T'aurais dû préparer ta chronique sans déconner. Non, c'est. Mais non, c'est sur le choix des personnages parce qu'en gros, tu vas jouer avec 4 personnages. Et les autres. bah, tu vas les voir plus tard dans le jeu, soit tu vas les affronter, soit tu vas pouvoir discuter et faire des interactions avec. C'est au choix. Et selon les personnages que tu vas prendre, l'histoire elle est légèrement différente. Parce que chaque personnage a une histoire à lui. Et bien sûr, vu que tu les as regroupés, tu vas avoir une histoire en commun. Genre à un moment, tu vois, t'as la fille sorcière. Et ben à un moment, ça va dévier sur son histoire à elle. Genre, ah ouais, il y a le démon là-bas. Lui, il connaît peut-être le nom du démon qui m'enfermait dans... Enfin, le démon qu'elle a en elle. Elle cherche à s'en débarrasser, par exemple. Et... Titre. Oh, magnifique. Tu pousses un peu là, quand même. Ouais, mais c'est recherché, c'est cool, ouais. C'est fin. Enfin voilà, bah, elle a un démon en elle et elle cherche justement à s'en débarrasser. Ah, ah. On a perdu Mégane. Non, elle est là. Non, elle est là, pour ça. Je la vois presque plus. Et ce fameux démon, bah, il y a deux solutions. Soit le démon prend contrôle d'elle, soit elle arrive à s'en débarrasser. Donc voilà, on va faire sa petite histoire à elle. Mais ça va repasser sur l'histoire du prince lézard où il y a des assassins qui le poursuivent. Le squelette qui fait partie du peuple des éternels. Bon, c'est assez flagrant comme nom, éternel. Bon, et... mais pourtant, il est le dernier de sa race. Du coup, il va rechercher un peu pourquoi. Je l'entends rigoler d'ici. C'est le de sa race. La manière dont tu l'as dit. Le, de sa race. Nick sa race. Il est recherché de sa race. Non, je sais pas faire du rap. Il va rechercher son peuple, par exemple. Le pirate, ouais, il est juste là. Ouais. Enfin, il a pas trop d'histoire, lui. Il est là, il est tranquille, pépère. Hop. Vous allez jouer à ce jeu. Vous allez continuer dans l'histoire. Et il va y avoir des combats, comme dans tout RPG. C'était pourri. Ah, j'ai essayé de faire un truc là. Au niveau du combat, c'est du tour par tour. J'allais en venir justement. C'est ça le plus intéressant dans ce jeu là. À part l'aspect, tu découvres une map, tu découvres plein d'énigmes, plein d'enquêtes et tout ça. C'est un combat tactique du tour par tour, effectivement. Ou que le placement de tes joueurs est très important avant même de commencer le combat. Donc tu vois, tu te mets en mode camouflage, tu as un mode camouflage très magnifique où que tu apparais dans un buisson. Tes quatre personnages, tu peux les mettre dans des buissons. Ça passe totalement inaperçu, même en ville. Bon, tu t'approches des ennemis, faut pas qu'ils te voient. Et dès qu'ils te voient, bah, ça te déclenche le combat. Donc soit tous tes personnages sont pris dedans, soit un, soit deux, ça dépend de leur position. Et c'est là que ça va jouer sur les boss et sur les gros monstres. Parce que si tu y vas comme ça, ouais, il va juste te one shot. Il y en a, c'est monstrueux, c'est très tactique, c'est très compliqué. Là, vous avez, pour avoir fait les premiers combats au tout début que j'y ai joué, ouais, je suis mort, je suis clairement mort. C'était trop rapide pour mourir. Il y a d'autres jeux qui sont bien pires, comme Elex ou genre de trucs, où que là c'est quasiment injouable dès le début. Comme quoi, t'as dit Elex. J'ai jamais entendu parler de ma vie. C'est un jeu génial, j'en parlerai dans une autre émission si tu veux, mais commence-le et tu vas voir que. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas. Tu vas essayer de baisser le niveau de difficulté. Ah ouais, non, tu peux pas, t'es déjà au minimum. C'est pas normal, ça. C'est juste horrible à commencer. C'est pour ça qu'il a pas été très connu, d'ailleurs, parce qu'il était très difficile dès le début. Donc en fait, tu me conseilles d'acheter un jeu qui serait impossible de jouer. Bah oui. Ok. Parce que c'est ce que font tous les gamers. Ah. Et concrètement, c'est quoi l'histoire du jeu? De Divinity? Ouais. Alors en fait, il y a... Comment dire? Des mecs qui se travaillent dans des buissons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, il y a une histoire. En fait, ils vont être réunis par le... par comment dire, les dirigeants pas du monde mais ceux qui le G20 tout ça. Voilà, c'est ça, par Trump, par tout ça. Non, par ceux qui écrivent l'histoire, qui écrivent la trame du monde. Voilà, en fait il y a des problèmes venant d'un pouvoir mystique qui s'appelle la source. Ça cause des problèmes, ça modifie l'histoire et tout ça, et ben eux ils vont être là pour on va essayer de modifier ça, quoi. On va essayer d'empêcher ces conneries d'arriver. Et du coup, ils vont essayer, au fur et à mesure de l'histoire, tu vas en apprendre un peu plus sur la source, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle influe sur toi, parce que le pouvoir magique vient de la source, mais faut pas trop l'utiliser, parce que sinon tu peux être corrompu, et ainsi de suite. Pourquoi il rigole? Il me perturbe! Parce que là tout seul, en fait, tu veux, comme on se partage le micro avec Fatih, j'ai trouvé trois blagues de merde avec la source, il ferme le robinet, enfin, tout ce genre de truc. Alors du coup, moi je me fais rire tout seul, mais je vois que Megan avait à peu près les mêmes, je pense, du coup. La source, mais tu sais, il y a beaucoup de références à la source du mal ou genre de truc dans Charme par exemple, le grand méchant à un moment. Oui, voilà, tu sais, il y a un méchant, il s'appelle Cool. Cool. Ouais, à un moment, il devient la source. la source du mal, tu vois. Sorcellerie. Mais ton charme, c'était la trilogie du samedi soir, les années 90, tout ça, non? Trilogie? Ouais, la trilogie du samedi soir. C'est pas une trilogie? Charme. Ouais, ouais, mais ouais. C'est ça. Ah, j'adorais ce truc, quoi. Hein? T'as quel âge déjà? Ah, pas moi. Vas-y. Allez, bonne chance. Je sais pas. Attends, non, t'as un gamin. 30. T'es pas loin. Ah, 31. Continue. 32. Tu t'es plus. 34. Plus. Bah, t'es connu. J'arrête mes conneries. Moi, je te fais continuer des heures comme ça. Ouais, bien sûr, ouais. Non, j'ai beaucoup moins. 22. 2 ans de plus. 12. 12. Non, quand même plus. 24. Ouais. Je crois. Ouais. Tu crois? Je crois. Ouais, okay. Ouais. J'ai 24. Ah, ok. Oui, j'ai un petit garçon. Ok. Il s'appelle Owen. Tu disais John, on t'a pas entendu? Ah, il disait carte d'identité, sinon fake. Qui se balade avec ses cartes d'identité de nous? Personne. Non, à part moi. Tout le monde se balade avec ça, sauf moi. Bon, non, je sais plus ce que je disais. Ah, si, j'ai parlé de la source. Ouais, voilà, la source. Ouais, bah en gros, c'est la source du mal, voilà. Tu dois affronter le mal et voilà. Et t'es les gentils, pince. Non, tu vas avoir plein d'ennemis à affronter qui seront eux aussi liés à la source. Donc au final, toutes les histoires se regroupent. Le méchant, par exemple, le démon, il utilise la source. Il tire son pouvoir de la source. Il a été amplifié grâce à la source. Encore source, c'est bon, j'arrête. Oui, c'est voilà. Donc, au final, tu vas affronter la source du mal. Enfin, voilà. Ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que c'est un jeu vachement tactique. Tu peux pas y aller genre en mode random. Ouais, tiens, j'y vais. Est-ce que ça coule de source? C'est tout pour moi, merci. Oh, on peut dire que ça coule de source, enfin ça dépend. Mais bon, je vous avoue que sur ce jeu, j'ai recommencé plusieurs fois des combats. Il y a des combats qui durent quand même. Tu joues sur ta télé? Moi je joue sur Xbox One. Ouais, et t'es allé brancher à ta télé? Bah, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Sur la source, ouais, sur le HDMI. Je joue sur Xbox One. Si c'est ça que tu veux savoir, voilà. Tu peux y jouer aussi en mode coopératif. En ligne ou en... J'ai oublié comment on dit. En salon, quoi. Enfin, ouais, sur le canapé. T'auras aussi quoi, à ton pote à côté de chez toi, ouais, voilà. Tu peux y jouer. Donc il incarnera deux personnages et toi deux personnages. Ça se répartit comme ça. Donc ça donne un autre aspect, une autre manière de gérer. Je pense que c'est plus compliqué de jouer à deux sur ce jeu-là. Je l'ai déjà fait avec ma copine. Alors le niveau tactique, c'est... Oh, c'est salaud, hein, mais... C'est pas vraiment son point fort. Elle aimait bien dégommer des petits monstres. Des petits trucs tout seul. Par contre, dès qu'il y avait un boss, ouais. Elle nous écoute pas, ça. Je pourrais faire un clip. Je te cache pas que. Mais fiche-toi que c'est enregistré. Je peux peut-être dormir dehors ce soir. ça peut arriver. La magie du podcast. Ouais. Mais non, elle écoutera pas. C'est un jeu assez récent. Il est sorti en 2017. Voilà. C'est pas une ressortie parce que Divinity. Divinity, alors 360, là c'est le 2. Semble, hein. C'est le 2. Ouais, mais le 2 il était pas déjà sur 3.6. Non, je crois pas. Une bêtise, hein, mais je crois pas. Le 1 il s'appellerait pas Ego Dragonis. Des haussements de sourcils, genre. Hein? À qui? À Jolan? Ouais. Quoi? Genre en mode haut, oh, je sais pas. Non, mais je. Non, il regarde sa palette, il dit, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais j'ai écouté ce que tu disais, mais j'étais en train de réfléchir s'il y avait, y en avait un sur 3.6, mais je crois pas. Je suis sûr qu'il y en a un sur 3.6, mais te dire si c'est le même ou pas, j'ai un doute. Non, c'est Ego Dragonis, le 1, je crois, Divinity. Tu connais peut-être Ego Dragonis? Non. Ce jeu-là aussi, t'es assez unique, hein. Je pourrais en parler vite fait. Ah non, attends, peut-être que je confonds avec Dragon Age, en fait. Ah, oui, effectivement, Dragon Age, il est sur Xbox 360. Très bon film aussi. Oui. Très bon jeu. Très bon dessin animé. Non, c'est très bon jeu, évidemment. Et Ego Dragonis, c'était un jeu avec une particularité assez sympathique. Tu pouvais incarner un dragon. Tu pouvais te transformer en dragon comme ça, de but en blanc, comme tu voulais. Et tu pouvais te battre en tant que dragon. C'est pas Blue Dragon, ça? Non. Ah non, je... C'était pas Blue Dragon. Donc je mélange tout. Mais bah, y a beaucoup de jeux avec des dragons, mais je dois avouer que le fait d'incarner un dragon et pouvoir se déplacer et faire des combats comme ça, je trouvais ça cool. Je trouvais ça très cool. Par contre, je savais pas du tout, mais ça a gagné le BAFTA du meilleur jeu en fait. Le BAFTA? Ouais, enfin c'est un truc en mais je connais pas sûr. En gros, ça a reçu une grosse récompense au niveau des jeux. Fin... Bah, c'est... Alors, pour la communauté des joueurs qui connaissent Divinity, c'est un jeu qui pèse dans le game, hein. c'est pas n'importe quoi non plus, okay. Divinity. Alors Thomas serait là, il nous en parlerait, c'est un gros fanatique de ça. Il savait même pas que j'y jouais d'ailleurs, ouais, il me sous-estimait. Mais ouais, c'est un jeu qui pèse vraiment dans le game. Hein. Je dirais pas que tu peux pas être geek sans jouer à ça, mais ça peut arriver, mais faut que tu joues. Okay. Je te promets des heures et des heures de, je prends note, de bon, bon gaming. Okay. Ouais. De quoi? Non, mais j'y ai jamais joué en fait, c'est la première fois que je joue. Jouzy? C'est un jeu de. Rappelle-moi le titre. Divinity Original Sin 2. Jeu de stratégie tactique, si j'ai bien compris. Tu veux ma petite feuille? Non, c'est pas ça, c'est parce que. Non, je regardais, il y en a un qui est sorti en 2014, c'est celui-là. Bah, c'est peut-être le 1, oui. Oui, le 1, c'est sûr, il est sorti sur Xbox 360 et pas sur One. Ah. Voilà. Comme il y a le 2 là. Non, c'est le premier, pardon, autant pour moi. Bah, du coup, non, le 2, c'est pas une Reddit. Ma foi, ça aurait pu arriver, hein, on sait pas. Voilà. Est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer? Ouais, pas trop. Oui. Bah, c'est compliqué de vous l'expliquer en même temps parce que c'est, ça se passe surtout au niveau des combats. J'ai passé beaucoup d'heures de jeu dans les combats. Vu que c'est du tour par tour. Tu finis en combien d'heures à peu près celui-là? Ah, lui, j'avais mis pas mal de temps quand même. Hein. J'avais mis peut-être 80, 100. Ah, c'est rentable, ça va. Ouais, c'est, ouais, c'est, oui, c'est vachement rentable. En plus, là, maintenant, il doit être un peu moins cher. Oui, maintenant, oui, tu le trouves voilà. À 5-10 balles, je pense. C'est ça. Je pense pas. Oh, t'inquiète. Peut-être un peu plus. J'ai mes contacts, t'inquiète. J'ai mes contacts de la Fnac Rémi. Ma foi. Est-ce que Rémi, il connaît la musique qui va passer après? Je sais pas, Rémi, c'est... Je sais pas, il est pas là. Il peut pas tout faire? Non, bah non, hélas. Il connaît pas tout. On va écouter la musique ou qu'il y avait de la cornemuse? Ouais. Ah. Le pouvoir des cailloux. Le pouvoir des cailloux. C'est le pouvoir des pierres de Zebra. On a écouté le début, on a teasé le début sans faire exprès, on va dire. Du coup, quand il va le remettre, là, il va cliquer sur le bouton lecture. J'aime bien teaser les musiques de temps en temps. Ça arrive comme vas-y, ça. Vas-y, appuie sur le bouton lecture. Ouais, vas-y, vas-y pour voir. Pouvoir des caillasses. Ouais, mais c'est de la fin. Non, faut que t'appuies là, là. Ouais, attends, cherchez la souris parce qu'il y en attendez, a attendez, il enlève là, le bed. À ce stade de la partie, les deux sont en train de se prendre le chou pour savoir quel bouton faut appuyer. Non, mais en fait, je t'explique, c'est qu'il y a trois souris, donc faut que je. Coupe, c'est ça. Là. Et là, on n'est pas couché. Bonne chance pour trouver la bonne. Donc là, il n'y a plus de bed. Là, c'est nous qui meublons. Du coup, je crois que c'est là. Je l'ai presque pas fait. Il est fait tout à l'heure. Le bouton pour éteindre la lumière, moi je sais pas du tout où il est. C'est la fin de la lumière. Le bouton pour éteindre la lumière. Bah, parce que je non, c'est pas la fin. S'il n'y a plus de lumière, je crois il reste une partie encore. Jusqu'à 23h. La pop culture est à l'honneur avec les PK Avengers. Je suis sûr que cette musique, le pouvoir des pierres, on pourrait la. En faire une parodie, le pouvoir des cailloux. Je kifferais faire ça. Ouais, c'est ça. La lapidation. Non, interdit diffusion. On s'arrête là. Alors là, on entame la dernière partie des PK Avengers, donc ça va être la partie actuelle où on va parler de toutes les sorties qu'on a en tête ou qu'on a bossé, ça dépend des gens. Si on a bossé. Oui, voilà. Bon, ça dépend. Après, il y en a, on a, comment dire, instinctivement, on sait ce que ça va sortir. Notamment, je pense que tu me rejoindras dessus, Fatih. Pokémon. Évidemment. Épée bouclier qui sort demain. Les Pokémon, les Digimon, tout ça. Exactement. On est chaud. On est chaud, effectivement. Est chaud. Toi, t'es demain à la première heure. Ah, moi, je me lève, je suis debout. Et tu l'achètes où, toi? Je l'achète le moins cher, donc Carrefour. Carrefour. Mon partenaire minceur. Il va compter quoi? 45 ah bon. Euros. 45. Oh, ça va. Non, ça va. Hein. Oui, c'est un jeu de Switch encore. Ça va. C'est, après, c'est encore abordable. Non, ça va. Après, t'as la Fnac, ils font à 50 boules. Par contre, Micromania 60 balles. Donc boulanger 45. Ouais. Et après, je sais pas. C'est pas mon problème après. De toute façon, quoi qu'il arrive, on l'achète quand même. Ah oui, mais moi je me lève, c'est bon, j'y vais direct, hein, c'est fini. Ah, je l'aurais samedi en théorie, samedi, si je me trompe pas. Parce que bon, je peux pas y aller demain, je travaille, tant pis. Ah, chais. Si Thomas était là, il dirait ça, ouais. Ouais, mais Thomas, il est pas là. Il nous manque. Il nous manque. Non. Si, nous, il nous manque. Non, c'est nous. Ah bah tiens, nouvelle, le SVA a changé de direction. Le SVA maintenant fait du porno. Non, le SVA est dirigé par Teddy et Marguerite. Oui. Marguerite pour le côté artistique, Teddy pour le côté logistique. Ouais. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Ça, c'est une belle actu. C'est... Hein. C'est une belle actu, voilà. Ça. Donc maintenant, si vous avez des pornos, si vous avez tout ce que vous voulez proposer, on va prendre. On avait dit quoi de la mécanophilie? Mais il me oui, que... mécanophilie, zoophilie. Il y a Rocco qui va pas tarder à venir. Là. Mais oui, Rocco, je le connais. J'ai fait des films avec eux. Non, bon, c'est de la fake news. Sauf pour le SVA, c'est vraiment Marguerite et moi qui avons pris le relais en attendant que notre cher confrère Thomas revienne de stage. Où il nous a juste lâchement abandonné, hein, c'est aussi simple que ça. Vous faites quoi au SVA en ce moment là? Vous avez des projets, vous avez des trucs ou pas? Au SVA oui, alors. Ouais. Bah, si, il y a pas mal de choses. Il y a projet, y a en tout cas, il y a des choses à faire. Il y a un projet qui va se terminer là. C'est quoi le SVA? Ah, le SVA. Alors, ah oui, le SVA, c'est le studio venu d'ailleurs. C'est une assoce d'audiovisuel. Avec des gens qui viennent de l'escat et des gens qui sont profanes, bah, genre Teddy. Qui sont quoi? Genre profanes. Profanes? Amateurs, si tu préfères. Profanateurs. Qui sont pas, pas du milieu. D'accord. Les hélétiques, tout ça. Ouais, voilà, on les brûle, les marginaux. Ouais. Et voilà, on fait des courts-métrages, des films, des séries, des web-séries, des... tout ce que tu veux qui touche à l'audiovisuel. Donc là, dernièrement, il y a... Oui, il y a juste les 48 heures qui sont... Oui, sont oui sorties. On a, les 48 on a, heures qui sont sorties récemment. Radio Choc, allez voir sur YouTube du SVA. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce court-métrage, il dure 6 minutes 30, donc c'est assez rapide. Bon, ça va, ça et franchement... On il a Clément en jeu d'acteur. Enfin, ah, c'est Clément. Il y a Clément qui joue. Ouais, ah, il y a Clément bien. Qui joue. Ah, et Clément. Franchement, il joue très très bien. Non, bah, c'est ah, bon, je regarde. Clément, j'ai vu de la lumière, mardi de 21h à 23h. Okay. Voilà, petite pub au passage. Son émission, j'ai vu de la lumière. Tu sais qu'ils se connaissent très très bien. Oui, je sais. Ouais. Je sais. Mais je tease pour les auditeurs qui ne connaissent pas Clément. Ah, Clément et moi, c'est l'amour depuis 2012. Hein, ah ouais. La sodomie. C'est bon, il est 23h passé. Oui, c'est bon. Ah bon, bah oui, tous les soirs, on fait. Ça c'était pour le SVA. C'est ça. Après on a peut-être des actus moins Indestar, moins SVA. On a peut-être des actus plus générales. Je crois que Gaëlan voulait parler de Sonic. Ouais, ah oui, le film Sonic qui est sorti là récemment. Ils ont enfin fini de le modifier. Ouais, ils ont fait un nouveau design parce que le premier n'a pas plu à grand nombre de spectateurs. Parce que la commune Twitter c'était trop réaliste. Mais en fait, il n'y a pas que le design qu'on a détesté, c'est surtout. Bah, moi, je parle en tant que connaisseur de Sonic, blablabla. Voilà. T'as pas 90. Un petit badge, tu nous as montré si, tout à l'heure. Si, mais j'ai pas que ça à la maison, t'inquiète, bébé. Et j'ai des vrais hérissons chez moi, je sais pas en bleu. J'ai mis la bombe bleue. Le problème, c'est déjà rien que dans le choix musical en fait du trailer, ils ont été mettre Coolio, Gangsta's Paradise. Coolio. C'est quoi Coolio Iglesias. Tu connais pas Gangsta's ouais, Paradise si, je vois. C'est une reprise de Stevie Wonder à la base. C'est pour un film avec Michel Pfeiffer dont j'ai oublié le nom. D'accord. Tu l'as pas Galan, non ? Et ça colle avec pas avec Michel le. Michel Pfeiffer, j'ai que Apparence ou alors le dernier Ant-Man, mais. Ah ok. Bon. Et ça colle pas avec l'histoire ? Ah non, bah non, parce qu'en fait, si tu veux, Sonic c'est beaucoup plus musique rock de base déjà. Beaucoup combien tu mets du gangsta et rap. Du, bah, un peu de synthé aussi. Ouais, un peu, ouais. Sur le musique de jeux vidéo. Ouais. Oui. Et, ça plus non, tous les persos ça n'allait pas. Il y avait de la trahison au bout de une seconde en fait dans le trailer. C'était assez fantastique. Est-ce qu'on voit son copain, je sais plus. Son Shadow copain, Knuckles. Non, pas Shadow. Le rouge. Oh, non. Le renard. Ouais, Tails. Non. Tails. Bah, j'espère oui, pas, parce que à part qu'ils l'ont redesigné aussi, quoi, parce que là c'était violent. Moi j'aimerais bien Shadow. Ouais, mais redesignez-moi tout ça alors, parce que là. Ouais. Oui, c'est sûr. Les hérissons de Tchernobyl, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ça fait un Shaymin après. Ouais, non. La référence. Petite référence Pokémon, allez, bam. Il apparaîtra sans doute dans Pokémon Go un jour ou l'autre, mais on en parle pas tout de suite. Mais deuxième trailer qui est sorti il y a quelques jours, complètement pété par rapport au premier. Ils se sont dit, tiens, on va faire quelque chose qui a du sens par rapport à la licence, donc c'est cool. Rien qu'au niveau de l'histoire, ça a l'air de raconter des trucs beaucoup plus à raccord avec ce qui se passe dans la licence, donc c'est assez sympa. Après, ce sera pas le film du siècle, hein, faut pas déconner non plus, mais ce sera peut-être pas tant la catastrophe que ça. Quoi. C'est ce que tu voulais dire, Yann ? Moi je voulais juste reparler La boulette. Gaëlan. Je t'ai appelé Yann sans faire exprès, je sais pas ah qui bon c'est Yann. D'accord. T'avais un autre film ? Non, il y a juste là sur les réseaux sociaux, il y a une scène coupée du dernier Avengers qui est sorti. Donc la scène entre Tony Stark et sa fille plus âgée. Oui. Et cette scène, moi je vous la conseille. Elle a l'air géniale. Ouais, moi je l'ai trouvé très intense, ça m'a fait lâcher une petite larme quand même. Titre. En même temps, c'était pas une larme. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit de spoiler ? Ça sera pas l'affaire. Ouais, si tu on peut spoiler Endgame ? Oui. Ça fait un moment. Oui. Alors Tony Stark, Iron Man, à la meurt. Fin, ouais, voilà. Comme ça. Il meurt en sacrifiant. C'est comme dans Infinity War quand Thanos il snap, c'est il ça va avoir Gamora jeune. Oui. Et il lui dit mais ça t'a coûté combien tout ça ? Et là, sauf que Tony et là, Stark fait Iron pareil. Man, il écoute sa fille en fait parce que il Lego, écoute sa fille, il lui dit mais écoute, je t'en veux pas. Voilà. Moi ça m'a attristé perso. Hein. J'aimais beaucoup le personnage Iron Man. Ouais, moi aussi. Moi j'étais vachement triste, surtout que j'ai pas vu le film. Donc, toi non plus non. Ah non, mais moi j'ai lâché Marvel. Hein. Il faut regarder 47 films pour comprendre le dernier. Donc je me suis dit. Bon... Mais c'est bien, hein, je dis pas, hein, je respecte. Hein, mais. Ouais, c'est clair. Puis la phase 4 annonce aussi pas mal de trucs quand même. Ça annonce un gros virement par rapport aux déjà, Avengers. Déjà, tu m'apprends qu'il y a une phase 4. Moi j'étais bloqué au premier Avenger que j'ai vu à l'époque au cinéma, rigolez pas les gars. Ah oui, non mais moi j'ai 8 ans. Puis juste avant ça, j'ai dû regarder genre Dark Knight et puis je me suis arrêté là quoi. Encore, je sais, c'est pas Marvel. C'est Dark Knight, ouais. Mais j'ai failli te lancer quelque chose. Il avait notre âge donc. Voilà, ouais, non, il y a une phase 4 qui sera orientée différemment que les Avengers. Ça sera aussi série sur Disney+. Ouais. Et maintenant, il faudra regarder les séries pour comprendre les films. Oh. Allez, et bah, toujours paye ta conso. Et bah c'est fini pour moi, hein, voilà. Moi je me suis arrêté au dernier Avenger. En parlant de ça, Disney Plus, c'est quand là que ça sort ? Ah ouais, tiens, j'ai des infos sur Disney Plus, ça sort en janvier ou février 2020. Là, ça vient de sortir aux États-Unis. Ouais, mais chez nous, ça veut dire qu'on va devoir attendre jusqu'au mois de janvier ? Ouais. Pour regarder la série Star Wars, sérieux ? Ouais. Ah bon. Ouais, d'autres moyens, janvier, février, je sais plus, ça sort en début d'année 2020. Et là, des moyens, là, c'est sorti. On aime bien. Oh, t'as le droit de le dire. Attends, hein, parce que c'est assez fou. En 24 heures, ils avaient déjà 10 millions d'abonnés. Oh la vache. Ouais, mais c'est vache. Disney. Ouais. Ah, c'est pas que c'est pour moi, c'est pas que c'est Disney, c'est aussi parce qu'ils ont tellement racheté de trucs. Qu'est-ce qui leur appartient pas maintenant ? C'est ça le problème. Il y a plus grand chose. Universal et Columbia, c'est tout. Waouh. Tout ce qui reste. Toi, en fait, eux, ils jouent au Monopoly à chaque oui, fois. Oui, c'est ça. Mais eux, ils achètent ouais, tout. Voilà. Non, c'est, ils en laissent deux pour dire ah non, on n'a pas le monopole. Mais c'est ça. S'ils pouvaient un peu de concurrence. Voilà. Puis sinon, hier, c'était l'anniversaire de Whoopi Goldberg. Elle a 64 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Whoopi. Ouais. Whoopi. Sister Act. C'est comme prénom. Oh. Whoopi. Ça fait penser à un chien. Te moque pas. Ghost, Sister Act, comme tu disais. Oui. Ah. C'est toi. Sister Act, meilleur film de l'univers, attention. Ouais. En vrai, non, mais c'est craqué quand même. Je connais pas. Comédie musicale. Tu connais pas, c'est genre, ils sont là, ils chantent et tout, genre, ils font du gospel et puis il se passe des aventures dont j'ai oublié parce que j'étais trop jeune. En fait, c'est de base. Elle est recherchée par un peu par la mafia, elle va se cacher dans un couvent et elle va donner des cours de chant. Ah oui, à des gens qui ne savent pas chanter. Dans un couvent, du coup, donc elle est bonne sœur, mais elle n'est pas bonne sœur pour un sou. Donc si veux, Oui, son âme n'est pas très coopérative. C'est ça, il y a un conflit avec les comment on appelle ça, elle fait... C'est une chanteuse, techniquement, mais une chanteuse genre... Enfin, pas... Chanteuse de cabaret dans ouais, le casino. Ça, chanteuse de casino. De casino. Ouais. De casino. De casino, je fais un petit mélange. Chante dans les chiottes. Mais pas le casino de Scorsese. Voilà, donc du coup, il y a forcément de la mafia derrière. Et... Encore Scorsese et voilà. Non. Toujours. Hein. Non, puis sinon, malheureusement, ça fait déjà un an que Stan Lee nous a quittés. Ah. Ah. Voilà. RIP, ouais. Petit ange parti. C'est ça. Parti à l'heure, en fait, mais pour nous, c'était trop tôt. Ouais, comme ça. Ouais, il avait 80. J'aimais bien ses petites apparitions moi dans les films. Il faisait toujours des petits trucs cool, essayer de se trouver un bon rôle. Enfin, petit truc. Moi je trouve ça drôle, les réalisateurs doivent faire plus de trucs comme ça. C'est des caméos. Enfin, oui. Ouais. C'est pas réel, mais oui. Voilà. On a beaucoup qui font ça en vrai, des reines. Bah, Hitchcock. Ouais, bah, Hitchcock. Tu l'as écrit sur ta feuille, t'as un film sur lui que tu dois regarder. Oui, bah en même temps, aujourd'hui. Fenêtre sur cours. Il ouais. Y en a plein. Vertigo, tout. Vertigo, Blackmail. Blackmail, ouais. Ouais, parce qu'on rappelle plein la corde. La Gaylan et Marguerite font partie de l'escadre, donc ils ont des devoirs. De leur devoir, oui. C'est regarder des films. Alors, je précise que techniquement, on a une liste qui fait plus de 500 films. Non, 200. Ah, oui. On a 200. 200, oui, mais... non, mais plus ceux qu'ils nous donnent, ça nous fait quasiment 500 films. Oui, moi, j'ai noté 450. Moi, j'ai noté les 1000 films recommandés par Edgar Wright. Ah ouais. Ah oui, sur Sens Critique, ouais. Oh. Ouais. Bah tu vas sur Sens Critique, tu vois les 1000 films qui recommandent. C'est quoi Sens Critique était... Sens Critique, c'est un site. Oui. Non mais vas-y, je te sens motivé. Vas-y. Non, mais c'est... Bah, en gros, si tu veux, c'est un site qui va te permettre. Fais pas de d'erreur faire des... parce qu'elles vont te. Les critiques. En fait, c'est un truc qui va te permettre de faire des petites critiques ou des listes de films de d'autres médias aussi, genre musique, jeux vidéo, etc. Pour les noter, donner une critique en fait. Et noter. Et noter surtout. Moi, je suis pas très fan de noter les trucs généralement. J'aime bien dire c'est bien ou c'est pas bien, mais j'aime pas le noter. Sur Internet, regarde plutôt sur Insta alors, parce que sur Sens Critique, dans ce cas, ils sont pas tellement à donner des notes sur Insta, ils sont plus à montrer des films, faire des interviews, parler des behind the scenes, tout ça, mais t'as pas vraiment les notes. Surtout en lien avec le Festival de Cannes. Ouais. Par exemple, si on devait noter Fallout 76. Est-ce que du coup. Zéro. C'est ça. Moins 10. Est-ce que Sens Critique, c'est un petit peu comme Rotten Tomatoes? Enfin, t'as un petit peu. Rototo Tomatoes? Ouais, un peu. Rotten Tomatoes, en gros, t'as à la fois la presse, du coup, donc dans les grands. Ah non, y a pas la presse. Non, il me semble pas qu'il y ait la presse sur Sens Critique. Il y a aucune presse, c'est vraiment que. Ouais, mais dans Sens Critique, mais dans Tomatoes. Mais du coup c'est pas mal parce que du coup ça te permet à la fois de voir ce que la presse en a pensé, c'est pareil sur les médias de manière générale, sur aussi. Ça te bourrine le crâne et ce que les spectateurs en ont pensé. Je trouve ça pas mal. D'accord. D'autres actus Oui, la saison 4 de Rick et Morty. Ah, je sais pas si on en parle beaucoup, mais au moins on la regarde. Non, on a, c'est ça. Un minimum. On n'a pas le droit d'en parler beaucoup, mais bon, moi ça faisait quand même 2 ans que j'attendais le truc, donc je suis content. Qui n'attendait pas Rick et Morty déjà. Je l'ai regardé récemment, Rick et Morty, en plus, les 3 saisons. Je les ai regardées il y a genre 2-3 mois. Vraiment? Ouais. Ah ouais. Parce que, enfin, je connaissais avant, mais j'avais jamais été trop tenté, et puis bon. Avec Thomas de l'escalade, forcément. Ah, c'est génial. Regarde Rick et Morty, ça fait partie de l'escalade. Ouais, franchement, c'est génial, c'est cool, c'est marrant, c'est pareil. Mais je dirais rien, du nouvel épisode. Alors après, moi, ce qui m'embête avec Rick et Morty, à chaque fois, c'est que t'es obligé d'attendre vraiment. Enfin, il te sort épisode par épisode chaque semaine. Ouais. Ah. Et moi, ça m'embête parce que du coup, comme c'est du format 20 minutes, j'ai vraiment envie de me les enchaîner à la suite. Et puis, bah oui. C'est beaucoup trop court. Titre. Merci, Fatih. Et du coup non là pour le coup c'est vraiment il est très très bien. C'est pour ça que moi je pensais que je vais pas les regarder tout de suite, je vais attendre qu'il y en ait plein qui soient sortis, genre peut-être quasiment toute la saison 4, comme ça je pourrais me la mater en 2-3 après. En fait j'avais tellement peur de me faire spoiler sur le premier épisode, parce qu'en général le premier qui sort ils sont là. Tu l'as regardé direct sorti non je l'ai regardé tout à l'heure là, juste avant de venir, donc tu vois. Cool. Et je suis sage cette année. J'essaie de faire attention. C'est parce que tu es prof. Bah ouais. Non. Mais non, évidemment j'ai copié à corriger. Il va les corriger devant les épisodes de Ricky. Non, mais non. Vous êtes pris pour un enseignant là? Non, je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il y avait une blague à faire. Camelot. Ouais, merci. Très bon, très bon. Non, sinon, moi je voudrais m'adresser à ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix. Ouais. Que là, à partir de vendredi, Netflix va mettre sur leur site leur premier film d'animation. Donc oui. C'est gratuit. Je l'ai vu, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est un film d'animation Noël. Voilà. Okay. Voilà. On verra bien. Ah, bien. À regarder. Voilà. Bon. Là, on est sur Indestar, donc on regarde. Attention. Intervention. Antoine ? Non. Ah, je t'ai vu. Non, mais. Déconnexion, Antoine. Non, mais vous voulez vraiment que je me mette en run comme un enseignant ? J'adore faire ça. J'adore ce métier. Vas-y. Ça te fait foutre, tu prends ton micro maintenant. Ouais, bah vas-y, fais la fin de l'émission. Alors, this is the end. Ah ouais, hein. Allez, tout de suite, on a plus les couilles là. On s'est piqué les micros. On a plus les couronnes. Voilà. Donc si vous avez envie d'écouter, réécouter cette émission, vous pouvez toujours aller nous voir sur les podcasts, sur Spotify, sur ainsi de suite. On a une vingtaine de je sais plus quoi, oui. De plateforme, j'aime bien ce mot. Ça fait geek. De plateforme, voilà, pour écouter le podcast. Sinon, vous pouvez tout simplement aller nous trouver sur indestar.fr, c'est aussi simple que ça. Vous aurez pas les images si vous écoutez les podcasts, mais vous aurez au moins le son, c'est déjà pas mal. J'ai une question, c'était pas 21h-23h? Si, c'est 21h-23h. En général, c'est 21h-23h. On peut même venir à 2-3h du mat, se taper des délires. On peut déborder, c'est le nouveau des émissions pirates. Ah, mais les gars, c'est génial, et sans déconner. Par contre, Théo nous paye pas les heures sup, je te le dis. On peut faire tout ce qu'on veut. Théo nous paye pas les heures sup. Ah, parce que vous êtes payé en plus? Putain, mais on s'est enculé ici. Ouais, on est rémunéré. Bah, t'as cru qu'on faisait comment notre beurre en invitant des gens? Non, nous ne sommes pas payés, c'est une association. D'ailleurs, si vous avez envie de rejoindre la grande famille d'Indestar, si vous avez envie de faire de la radio, venez. Non, voilà. Ne venez pas. Venez. Vous voyez pas qu'on est trop serré là, sans déconner? Ouais, mais il y a d'autres émissions, il y a d'autres créneaux. Enfin, on peut même. On rajoute des tables. Plus on est nombreux, allez, allez voir Clément si vous voulez faire un peu d'impro. Là, voilà, si vous voulez aller voir dans Jeux vidéo. Cool. Il recherche souvent des joueurs parce que justement, le concept de son émission, c'est de faire du théâtre d'impro en changeant de joueur le plus possible pour pas être habitué au même. Et du coup, bah, c'est génial. La preuve, ça fait 2 fois que je suis parti de son émission, donc il y a un moment donné. j'en ai marre de grossir. Je te dis le nombre de fois où j'ai été. Je crois que la semaine. Là, cette semaine, c'était la. Non, et la semaine d'avant, c'était les 2 seules fois où j'ai pas été. Ah la vache. Ah ouais. Sans déconner. Ah ouais. Sans déconner. Ah bah bien. Sinon, ouais, j'ai dû y aller 5 fois. Ouais, donc allez voir Clément parce que je crois qu'il a vraiment besoin de monde. Clément, à un moment donné, on va lui dire non. Ça moi, je reviens le 26. Il aura invité tous ses copains du conservatoire. Eh, bah ouais. Hey, Fatih, faudrait qu'il y aille du coup. T'es un de ses potes. Alors, oui, alors si tu veux, oui, j'ai fait du théâtre d'impro. Mais peu importe, t'as pas besoin de faire du théâtre d'impro. Non, mais moi, j'y suis allé, c'était quand? Il y a 2 semaines. J'ai fait une année entre guillemets de théâtre au lycée. Moi j'ai rien fait. J'avais l'impression de faire de la merde et en fait non, c'est très bien passé. T'as donc pas besoin de faire du théâtre d'impro, faut juste lâcher et inventer des trucs à la con. Ouais, c'est ça. Et les délires entre potes, tu connais ça? Ah bah putain, ouais. C'est exactement ça. Genre, il va juste lancer un sujet, vous êtes dans un sous-marin, vous allez chercher une cité perdue, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ouais, et maintenant t'inventes un truc, point barre. Vas-y. Hein. Ah, et moi je suis le capitaine, ouais, je me barre, je vais voir des sirènes. Clément, si t'écoutes ce podcast, Fatih a dit oui. Alors, Fatih a dit peut-être, et au pire, si tu veux, Clément, on règle ça à Guilty. Voilà. Guilty quoi? Le manga? Non, Guilty Gear, c'est un jeu de combat. Ah, pas sur Verse Match? Il aime bien beaucoup parler mal. Ouais. Au niveau du jeu de combat, tu vois, inventer des histoires. Alors que la dernière fois qu'il est venu chez moi, il a pris 9-0. Clément, si tu réécoutes. Ouais, mais est-ce que tu le défierais à Super Smash? Ah, mais on se tue à Smash, hein. Ça, ouais, c'est, ça fait drôle ça. Ah, c'est mon sac. Je crois qu'il fait des tournois et tout ça. Ah, oui, t'as dit. Ah, oui. Ouais, j'ai vraiment des vidéos de Fatih et Clément en train de jouer à Smash et c'est. Mais ça m'aurait de rire le match. Les deux ils sont là en train de s'insulter constamment. Donc, toi, ça fait un petit moment que t'es mort, mais du coup tu filmes et tu t'en penses. Bon, ma foi. Bah, on espère te voir dans J'ai vu de la lumière. Mais avec plaisir. Sinon, le lundi, on a aussi Actu Solide de 21h à 23h. On a Starter de 20h30 à 21h. On a Marguerite qui est en train de comater. Elle prend très cher Marguerite, je vois sa tête décomposée. C'est quand ça se termine? Voilà. Et on a aussi Enrôlé dans la folie, le premier. Enrôlé dans la folie. Enrôlé dans la folie, je l'ai mal dit, effectivement. Le premier samedi de chaque mois. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est pas mal. Epic Avenger le jeudi de 21h à 23h. Ah oui, faut pas nous oublier. Ouais. Évidemment, la meilleure, les meilleures. Évidemment. Parce qu'il n'y a pas que Marguerite qui est la meilleure. Blague de merde. Enfin bref, on va se quitter sur ça. Je vais partir parce que. Tu veux vraiment partir là-dessus? Ouais, bah, tu veux vraiment quelque chose d'autre? T'as une meilleure blague? Ah non, non, non, non. Voilà, ouais, bah on va s'arrêter là. Voilà, alors. J'ai envie de te dire des merdes de toi, c'est ton émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne nuit à tous. 21h, 23h. Ouais.